Bah bonjour à tous, bienvenue pour ce débat de la caserne avec Jean Robin et Mike Borowski. Donc Jean Robin, auteur, éditeur des éditions Tintamis, Mike Borowski, gérant du site La Gauche m'a tué, tous les deux connus pour être plutôt sur des positions de droite et pourtant certaines choses vous séparent. On va aborder un thème essentiel de la remigration, donc un thème qui n'est pas forcément souvent abordé, donc on va pouvoir grâce à ça aussi aller sur des sujets connexes. Donc Jean et Mike, bonjour à vous deux. Mike, Jean. Ben bonjour. Alors les termes de ce débat, comme on a dit, on va essayer de rester calme, de rester courtois. Vous avez en plus, vous vous connaissez bien Jean et Max, vous avez dans le passé collaboré ensemble, semble-t-il. Donc c'est un peu des retrouvailles quelque part. Ouais, je te laisse dire ce qui s'est passé, Mike. Nous avons travaillé sur un film punk qui s'appelle Contre-attaque. On voulait à l'époque une sorte de vraie droite, être des penseurs de la vraie droite, parce que nous reconnaissions et nous ne nous reconnaissons pas dans les partis politiques actuels, politiques des partis, on va dire, de gouvernement, ou alors qui aspirent à être de gouvernement. Qui sont en réalité des partis personnels, qui sont dans la pensée, dans la bien-pensance, dans le politiquement correct. Chose, moi, partie personnelle que je voulais vraiment combattre, parce que c'est une chose dont on en crève, hein. On crève de la censure, du fait de ne pas pouvoir aborder les vrais sujets, et aussi, bien sûr, du fait de mentir aux gens, de faire des campagnes sur l'identité nationale et après d'être élu et de faire venir de faire l'ouverture à gauche. Ah, fallait qu'on crée une structure. Bon, malheureusement, couronné de succès, même si je le regrette pas d'un peu. Je trouve que c'était une très belle expérience, puisque j'ai pu rencontrer des gens nouveaux formidables, et qui sur certains je continue à travailler. Ben, on rajoute peut-être quelque chose, Jean, là-dessus. Ouais, tout est parti. En fait, j'avais interviewé Mike pour Enquête et Débat, et puis le courant est bien passé entre nous. On s'est rendu compte qu'on était des libéraux conservateurs tous les deux, et puis voilà, moi j'ai créé Contre-attaque. Il l'a rejoint très rapidement avec sa compagne, et on a fait pas mal de choses ensemble. On a été milité devant l'AFP, qu'on a traité d'agence France bolchévique. On a été devant la mairie du 18e, du 19e, pardon, pour dénoncer, 18e, hein, pour dénoncer un assistant de je sais plus quelle maire qui avait frappé sa femme à coups de ceinturon et qui était encore en poste, voilà. Enfin bref, donc on a fait des choses et je pense que c'est ça la politique aussi. Il faut pas juste rester derrière son PC et balancer des commentaires surtout désagréables sur YouTube, voilà. Donc nous on l'a fait. Après on s'est séparés pour plein de raisons. Je rentrerai pas dans les détails personnels, mais sur le plan politique, il me semble que Mike est resté sur la ligne de contre-attaque, alors que moi, j'ai pas mal évolué. Il pourra dire justement, mais j'ai pas mal évolué. Déjà, je suis devenu chrétien. Lui, il était déjà. Et puis, j'ai vu quand même que l'islam était devenu la vraie priorité, alors que pour Mike, j'ai pas l'impression que ça l'est. Ah bah c'est intéressant ça. Au moins les termes du débat sont posés, c'est-à-dire que vous aviez, on va dire, un terrain commun idéologique, et puis finalement, maintenant, vous avez quand même des différences marquées, en particulier sur les Bien. questions que tu as évoquées. Ouais. Comment, sur quelle base, Jean a pu voir que. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, on est là pour en débattre. Hein. Ah bah c'est On intéressant déjà parle quand même. tous les jours. Jean, toi, donc tu dis que Mike, il serait resté sur cette ligne de contre-attaque. Quelle était-elle vraiment cette ligne, pour qu'on comprenne un peu nous aussi? Quand je suis passé dans ton émission en 2014, c'était cette ligne-là que je défendais, c'est-à-dire on lutte contre l'oligarchie marxiste, et on voilà, l'islam n'est qu'une conséquence, donc on s'en prend pas à la conséquence, mais on s'en prend à la cause. Et donc voilà. Entre-temps, il y a quand même eu des attentats, il y a quand même eu moi ma conversion aussi, et donc ça m'a fait prendre conscience que le véritable ennemi, c'était pas c'était pas le disons le marxisme, si c'est l'ennemi évidemment, mais c'est trop tard pour le combattre. Maintenant il est partout, il a gagné, il a tout gagné, il a même plus besoin de se présenter aux élections parce qu'il est partout, si tu veux, il est à l'université, il est dans les médias, il est dans la politique, il y a plus un seul homme politique qui ose se dire libéral, donc c'est voilà, c'est terminé. Et le seul qui a un peu osé, c'était Fillon, il s'est fait dégommer et bon, alors que combattre l'islam, en fait, c'est comme combattre le nazisme en 40. C'est-à-dire que là, on est passé, voilà, quand avec Mike, on militait à contre-attaque. Certes, il y avait une islamisation, on en avait conscience tous les deux, d'ailleurs. Et moi, plus que lui, je pense, parce que j'étais déjà anti-islam, ce qu'il ne s'est jamais dit, lui, il pourra confirmer, mais moi, je l'ai jamais entendu se dire anti-islam. Moi, je suis anti-islam depuis 2009, hein, et publiquement, j'ai fait des discours, notamment dans une église catholique en Belgique, sur une ligne anti-islam. Hein, donc voilà. Mais j'ai réalisé, y compris avec des attentats, mais même avant, que finalement, c'était l'islam et les tenants du système islamique, comme le dit le lieutenant-colonel Jean-François Cerisier dans son livre « Guerre à l'Occident, guerre en Occident », qui est le véritable ennemi, parce que vous avez un occupant aujourd'hui, comme en 40 avec le nazisme, et donc il faut le virer, et virer avec lui tous ses alliés objectifs et idiots utiles. Voilà. Et c'est parce que nous, on ciblait l'oligarchie à l'époque, marxiste, elle l'est toujours, l'oligarchie marxiste, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, on voit bien que ces gens-là sont dirigés clairement par le vote, notamment islamique, et il n'y a pas un jour qui passe dans notre pays sans qu'on nous bassine avec l'islam, ce qui montre bien qu'il a déjà gagné, en fait. Donc voilà, il faut en prendre acte, et le désigner comme ennemi, moi c'est ce que je fais, voilà, je désigne comme ennemi tenant du système islamique, et c'est ce qui permet ensuite de définir qui sont mes alliés et qui sont mes ennemis. Voilà. Donc, ce que j'aimerais demander à Mike, par exemple, c'est quel est son ennemi politique à lui ? D'abord, je voulais introduire un peu, parce que j'ai demandé un débat à Jean Robin, et je voulais lui dire pourquoi j'ai demandé ce débat à lui et aux auditeurs. J'ai un Discord de TEPA où Jean parlait de son bouquin Breivik. À ce moment-là, il s'en est pas très bien sorti, même si lui pense le contraire. M'avait pas mal marqué, une jeune fille avait dit, mais concrètement, on fait quoi ? Malheureusement, Jean n'a pas eu de réponse. On va dire, horrible. Et je me suis dit, mais attendez, il avait cette réponse de dire, ah oui, mais on va aller sur les plateaux télé, on va faire liberté. Ou alors on va dire Deschamps est dopé, et bon, et là, le système va s'ébranler un peu comme si, tu vois, Macron disait, oulala, il y a des activistes qui vont sur les plateaux télé, ils disent liberté, bon, bah alors, je vais démissionner, je vais dissoudre la Constitution et je vais donner tout pouvoir à Jean Robin. Ça paraissait donc un peu idiot, on va dire. Et du coup, je me suis posé la question, mais alors cette fille-là, elle lorsqu'elle voit l'échiquier politique, lorsqu'elle voit que à gauche ils sont complètement jobards, ils nous amènent droit dans le mur, eh bien se dire quelle est la solution globalement. Et elle voit que la solution, en fait, c'est le camp d'en face, c'est Jean Robin. Elle a dû se dire, mais attendez, mais le camp d'en face, ils sont aussi bidons en fait qu'à gauche, quoi. Donc en fait, il n'y a plus de solution dans ce pays. Et je ne peux pas laisser passer le message comme quoi la famille politique, et pas le Front National, mais je parle, quand je dis la famille politique, c'est-à-dire l'idéologie politique que je veux défendre pour le pays, parce que je sais qu'elle est la bonne pour ce pays, eh bien, je ne veux pas que cette jeune fille et que d'autres les auditeurs croient que c'est une impasse. Et donc, il me fallait faire ce débat contre Jean. Je vais lui répondre concernant l'ennemi. Mais, cher Jean, il y a quelque chose dont je parle toujours, et c'est forcément une conséquence, c'est l'arabisation de ce pays, et je l'écris bien, et je le mets, je pense même l'écrire tous les jours, et la religion des Arabes, évidemment, est un ennemi, peut-être l'ennemi numéro un. Moi, je me rappelle quand même que, en 1962, en Algérie, lorsque des Européens, 1 million d'Européens vivaient en Algérie, arabes étaient venus taper à la porte des gens en leur disant « Monsieur, maintenant, ici, votre appartement, c'est le mien, parce qu'ici, c'est chez moi. » Et c'est ce qui va arriver en France si nous continuons dans cette politique. Donc forcément, la gauche et cette immigration, ses conséquences, l'arabisation, eh bien évidemment, ce sont des ennemis et je l'écris tous les jours. Dire le contraire, c'est ne pas me lire ou c'est mentir, tout simplement. Bah alors vous êtes d'accord là-dessus, vous êtes d'accord quand même. Non, non, pas du tout. Parce que Mike, c'est un politicien. Moi, je suis pas un politicien. Ça, c'est quand on apprend à connaître un peu Mike, on se rend compte qu'il a été, il est toujours d'ailleurs. Quel est ton métier, Mike? Tu peux le dire là? Tu es toujours assistant parlementaire ou pas? Non, je suis chef d'entreprise. Tu étais assistant parlementaire longtemps quand même. Oui, j'étais assistant parlementaire et j'ai même, tu sais quoi, public. C'est-à-dire que j'ai été, avant de monter mon entreprise, j'ai été dans le lobbying, on peut dire. Et moi, je conçois. Donc, à sa décharge, je prends pas la défense de Mike, mais quand j'avais fait l'émission avec lui, il nous avait expliqué tout ça, déjà, franchement. Moi, je vais te dire une chose. Attends, c'est moi qui ai la parole. Attends, juste. Alors oui, vas-y, Jean, c'est vrai. Jean, t'as pas terminé. Alors vas-y, c'est quoi qui vous différencie? Parce qu'on n'a pas compris, finalement, là. Contre-attaque, si tu veux, c'était des gens de la société civile. Et moi, j'en étais, j'ai jamais fait partie, j'ai été, si tu veux, 6 mois chez les Verts quand j'avais 18 ans et demi, puis je m'en suis fait virer quand j'avais 19 ans, pour cause de fascisme, etc., parce que j'étais déjà libéral, et puis par atavisme, bon, j'ai déjà expliqué ça 1000 fois, donc peu importe. Et donc, j'ai monté Contre-attaque avec des gens qui étaient pas du système. Enfin, je croyais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Mike était du système. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais au bout d'un moment, quand on a milité aussi longtemps que lui à l'UMP, et à un assez haut niveau quand même, quand on s'est mesuré à des gens comme Éric Raoult, hein, qui l'a insulté d'ailleurs, ça m'avait bien fait rigoler, mais quand on a été dans ces fonctions-là, qu'on a milité sur le terrain pour l'UMP, eh ben ça laisse des traces, ça vous formate, surtout quand vous êtes jeune, et Mike était jeune quand il l'a fait, il pourra dire combien de temps il a milité pour l'UMP, mais c'est... Et donc moi, j'ai jamais milité plus de 6 mois pour un parti, puisque l'autre, c'était l'UPR. Hein. Et j'en suis parti là aussi au bout de 6 mois, mais là, c'est moi quand je suis parti. Parce que j'ai bien vu que ça menait nulle part et qu'Asselineau n'était pas le nouveau De Gaulle. Bon. Donc moi, j'ai pas été formaté par ce système partisan, par ce système de l'élection aussi, qui fait qu'on va aller séduire des gens pour qu'ils votent pour nous et coller des affiches et distribuer des tracts. Ça, c'est pas dans mon ADN. Et c'est pas... C'est ni dans mon ADN, ni dans ce que j'ai appris à faire. Moi, j'ai appris justement à militer sur le terrain, et Contre-attaque était un reflet de ça. On allait devant l'AFP, on cherchait pas à avoir des voix, on cherchait à emmerder un maximum cette agence bolchevique là qui diffuse 80% de l'information fraîche en France. Et Mike, il nous a rejoint, mais ça lui allait plus. J'ai bien vu, il était pas vraiment à sa place. Lui, ce qu'il veut, c'est séduire des gens pour qu'ils votent pour lui. Voilà. Il croit encore qu'on est en démocratie. Et donc, moi, c'est ce que j'ai expliqué à cette... Je crois que ça s'appelait Jessica, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Jessica, elle a des questions qui sont légitimes et j'ai pas forcément répondu de la meilleure des manières. Excuse-moi d'être humain et d'avoir été un peu sur les... C'était la première fois que je parlais du Breivik. J'étais un peu sur la brèche. Je prends un risque monumental en éditant ce livre et j'espère que tu défendras ma liberté de le faire et la liberté d'expression du Breivik qui est aujourd'hui censuré. On y viendra peut-être. Mais quand j'ai répondu à Jessica sur la manière de faire, déjà, ça sert à rien. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, peut-être mal. Donc, je vais réessayer de l'expliquer là. Rapidement. Pour moi, ça sert à rien de dire, voilà, on va faire telle ou telle chose une fois qu'on sera au pouvoir, si on n'explique pas comment on arrive au pouvoir. Et ça, personne ne l'explique jamais. Bon. Et alors, c'est vrai que quand on essaye de l'expliquer, les gens vont dire, c'est ça, tu vas aller sur les plateaux télé, c'est débile. Voilà. Ben, ça, c'est ce que disent les gens, parce qu'effectivement, à Contre-attaque, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas continué, c'est que personne ne voulait aller sur les plateaux télé. Voilà. C'est ça, la vérité. Parce que personne n'avait les couilles, excusez-moi. Donc, au bout d'un moment, il y a du courage dans la politique qu'il faut avoir. C'est pas le courage, c'est pas aller distribuer des tracts et de coller des affiches. Ça, j'y crois pas. Même si certains ont un peu plus de courage que d'autres, comme les mecs du FN. Donc, première chose, il faut aller sur le terrain pour faire des choses concrètes, ok? Se former politiquement, monter en compétence, ce que j'appelle monter en compétence. Mais il faut désigner un ennemi aussi. Et ça, moi, mon ennemi aujourd'hui, il est très clair, et ça me permet de dire qu'un Henri de Lesquin, par exemple, qui est national-libéral, donc comme Mike, eh ben, il est pas avec moi. Parce que Henri de Lesquin ne désigne pas le même ennemi que moi. Donc j'aimerais, pour être plus concret que ce que nous a dit Mike, qui était un discours de politicien rodé, pour pas répondre vraiment à la question, on sait toujours pas quel est son ennemi politique, donc est-ce qu'Henri de Lesquin, il est de ton côté, ou est-ce qu'il est ton ennemi ? D'abord, je vais répondre sur mon engagement politique passé. TEPA l'a fait aussi, donc bon, j'ai parti, puis moi je l'ai fait à l'époque en divers droits. Alors, j'ai commencé, c'est vrai, à 18 ans, uni, syndicat étudiant de droite. J'étais UMP, j'ai eu toutes les fonctions possibles et imaginables, c'est vrai. J'ai été attaché parlementaire, j'ai travaillé au siège de l'UMP, j'ai eu des fonctions chez les jeunes, chez les moins jeunes, et d'élus, de pas élus, tout ce que tu veux. Je revendique, c'est mon parcours, ça m'a permis d'acquérir une expérience politique, mettre les institutions. Alors évidemment, j'ai été attaché parlementaire, j'ai été à l'Assemblée nationale, chez Gilles Carrez, j'étais au Sénat, de moins que j'ai écrit la loi sur le service civique, j'ai été à la commission des finances, à la commission de la culture, j'ai fait des bouquins sur le Sénat, bien sûr au nom du sénateur. Sur la jeunesse, sur les universités, c'est une partie de ma vie. J'étais très content de le faire, je l'aurais refait. Mais aussi, comme t'aimes cette nouvelle expression là, je pense, j'ai l'impression que tu vas la copyrighter, c'est en compétence. Eh bien, ça m'a fait monter en compétence, ça m'a permis de connaître les institutions de l'intérieur et de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, je ne veux pas prendre le pouvoir par le biais des urnes, parce que je n'y crois pas. D'abord, parce que ce n'est pas possible. La constitution de 58 a été faite pour que ce soit un mec de gauche du gouvernement ou un mec de droite du gouvernement, ou alors maintenant un mec du centre du gouvernement pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Et n'étant aucun des trois, je ne peux pas prendre le pouvoir par les urnes, parce que moi, mon but, c'est prendre le pouvoir, hein. C'est pas juste faire YouTube ou seulement la gauche m'a tué. Ça ne m'intéresse pas. Le but est de prendre le pouvoir. Ensuite, peut-être on en parlera un peu après, mais la Constitution ne permet pas un président de la République, quel qu'elle soit, évidemment contre le pouvoir, de réellement mettre en place ce que toi et moi, nous voudrions mettre en place. Ce n'est pas possible. J'en ai d'ailleurs parlé dans nombre de vidéos que la prise de pouvoir ne peut se faire que par un coup d'État. Voilà, il faut se le dire, c'est un coup d'État qui peut permettre un putsch, ça comme tu veux, qui peut permettre une prise de pouvoir aujourd'hui et de sortir de la République et de partir de la Ve République. Après, tu me parles d'Henri de Lesquin. Henri de Lesquin, c'est pas du tout mon pote. Hein, d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo où tu as... très gentiment commenté à l'époque. Lesquin, c'est justement un énarque qui a été nommé dans des grandes administrations par Chirac, par Sarko, et qui avait le doigt sur la couture, et qui après, évidemment, après qu'il ait eu sa retraite, a commencé, on va dire, à se dépuceler. Donc ça, non, ça, pour moi, c'est pas du courage. Moi, je vais te dire une chose, j'en avais marre de ce milieu, j'en avais marre justement du système, d'être attaché. J'aurais d'ailleurs pu, après ma carrière d'attaché parlementaire, j'aurais normalement dû être cadre. J'ai refusé tout ça, j'en avais marre, je ne supportais plus l'hypocrisie des couloirs, des bouquets parlementaires, ou droite, gauche, tape sur la main. Et je dis merci, au revoir. Voilà, et j'avais 32 ans. Bon. Tu veux me reprocher mon passé, bon, pourquoi pas. Mais c'est quoi, la question de Jean, parce que je reviens, il demande c'est quoi ton ennemi? Parce que c'est vrai, c'est quoi fondamentalement maintenant ce qui vous Mon différencie si ennemi, vous c'est la dans le gauche. combat? Mon ennemi, c'est la gauche. Et mon ennemi, c'est l'immigration. Pas c'est l'immigration maghrébine, l'immigration qui ne s'assimile pas. Voilà, c'est ça l'ennemi. Faut dire les choses. Alors, Tu bien n'aimes pas sûr, les skins, alors c'est Mahomet l'ennemi aussi. englobe la religion, englobe tout ça derrière. Bon. Les skins, c'est ses ennemis aussi. Expliquer que je ne peux pas apprécier quelqu'un qui vient de l'ENA, qui vient de l'administration, est nommé par justement les gens que l'on combat et qui à ce moment-là ne sort pas de ce système. Je connais un peu les hommes et les femmes politiques et je connais un peu les énarques pour avoir travaillé avec eux. Et je sais que lorsque des gens n'ont pas le courage de quitter un certain système, eh bien, ça veut dire que ceux-là n'auront pas le courage d'aller plus loin, d'aller affronter les ennemis de la France. Tout simplement. Je sais que Delesquin n'aurait pas eu le courage, s'il n'avait pas été à la retraite, de dire ce qu'il dit aujourd'hui. Les Congoïdes, la rémigration, il n'en a pas parlé il y a 15 ans. Il était à la retraite. Tout simplement. Et donc, il a profité du système. Ça, je suis Système. d'accord avec Ça. toi sur Delesquin. J'ai fait une vidéo sur lui et on m'a beaucoup reproché ça, mais c'est exactement la même chose, donc ça fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'islam? Est-ce que tu es contre l'islam ou juste les excès de l'islam ou les terroristes? Arabes. La religion des Ah, Arabes, alors attends, explique-toi, parce que les Arabes, c'est pas l'islam. Là, il y a un problème, non? leur religion. Mon petit vocabulaire à moi, donc je sors mon vocabulaire. Voilà. La religion des Arabes, je suis contre et je combats. Point barre. Là-dessus, je n'ai pas Claire, aucun pourquoi doute. tu dis pas l'islam? Pourquoi tu dis pas l'islam? Quel est le Ah, problème? Pas... voilà, si tu veux, voilà, je peux le dire. Ah bah, Bah, c'est c'est plus important quand clair, même. pardon. Il a pas tort, Jean, quand même, parce que les Arabes ou l'islam, c'est quand même pas pareil, non? Il y en T'as a un qui perdu lui répond. Mike. Ah. J'écoute. Non, je Ah, disais. tu es te poser une question. Hein. Ouais, je posais une question. En fait, les Arabes ou l'islam, c'est quand même pas pareil. Preuve du contraire, la religion, elle est arrivée où? Elle n'est pas arrivée chez les Africains. Ah bah si, L'origine. Bon. ouais, d'origine, mais il y a beaucoup d'Africains musulmans aussi. Faut l'englober. Tout, quoi. Veux dire, attends, on comprend pas là. Est-ce que tu es sur un discours identitaire, voire racialiste, ou est-ce que tu es sur un discours anti-religieux? Je suis sur un discours identitaire, pas forcément racialiste. Malgré tout, on peut assimiler quelques-uns, mais ça, dans le débat. Et je suis aussi sur un discours religieux, parce que même si, moi, je ne veux pas, moi, je dis une chose, moi, la différence de toi. Des dogmes des uns et des autres. Voilà, les dogmes ne Ah, m'intéressent pas. voilà, on y arrive. Il Donc, faut creuser un peu, mais on y arrive. dogme. Dans le sens où ça m'intéresse pas les versets, machin, m'en fous. Que nous sommes en France catholique, un pays dont le catholicisme a créé la France. Nous devons avoir et prédominance et constitution catholique dans ce pays. Voilà. Et c'est sur ça que je combats. Et donc, par conséquent, tout le reste est légitime. Alors, l'antisémitisme, en moi, surtout pas. Parce que nous devons. Le catholicisme, parce que c'est le catholicisme, c'est la France. Avoir un désaccord, parce que toi, pour toi, le catholicisme n'est pas la France. Ah, bah ça, voilà, donc déjà, là on avance, parce que déjà, quand on pousse un peu Mike, quand on pousse un peu Mike dans ses retranchements, le discours politicien, il tombe et on en arrive au cœur du sujet. Mais il faut savoir, moi c'est parce que j'ai côtoyé Mike pendant des années que voilà, je tombe plus dans ses pièges et j'en vais directement au vif du sujet. Donc, Mike n'est pas anti-islam, merci de l'aveu. Donc ça fait de nous des gens qui ne sont pas sur la même ligne politique, hein, quand on veut bien voir les choses, parce que c'est très important déjà que tu trouves mille euphémismes pour pas dire l'islam, mais la religion des Arabes, alors qu'il y a beaucoup de non-Arabes qui sont musulmans, hein, dans le monde, même une majorité, tu vois. Alors en France, c'est vrai que c'est la majorité des musulmans sont Arabes. Bon, ben ça c'est un fait, c'est une religion assez identitaire au départ, et puis après, elle a colonisé un peu le monde entier. Bon, en tout cas, elle essaye. Chez nous, elle nous impose ses mœurs. En fait, moi j'ai édité un livre qui s'appelle « L'islam, une stratégie militaire sous couvert de religion ». C'est sous couvert de religion, c'est pas une religion pour moi l'islam, et donc le dogme, je m'en fiche autant que toi. Tu vois, les versets, etc., j'en connais quelques-uns, mais c'est pas ça le cœur du sujet, parce qu'il y aura toujours des musulmans pour nous dire « mais vous n'êtes pas musulman, donc ça sert à rien que vous parliez de l'islam, vous parlez pas arabe, enfin bref ». Non, là on parle de politique. Et donc, les nazis pouvaient bien s'appeler une religion, s'ils voulaient, ben ça nous aurait pas empêché de combattre le nazisme à l'époque. Et là, le piège que tend l'islam, notamment, c'est de se dire une religion, en plus, une religion du livre. Hein, au même niveau, justement, que le catholicisme, ou le christianisme et le judaïsme. Donc, il faudrait la traiter de la même manière, que la loi 1905 s'applique de la même manière, alors que on a affaire à une culture étrangère, à une culture hostile, pour pas dire ultra-violente, et à une culture qui n'est pas la nôtre, et qui ne sera jamais la nôtre. Donc on n'en veut pas. Et moi, mon message politique aujourd'hui, il est clair, et c'est là où je réponds aux Jessica de ce monde, je la salue au passage, parce qu'on s'était un peu frité, mais voilà, finalement, elle est plus virile que beaucoup d'hommes que je connais, d'accord, qui sont pas du tout... Voilà, donc bon. Eh bien, moi, la vraie politique, ça commence à désigner par désigner l'ennemi, comment on va le virer. Parce que si on désigne un ennemi, c'est pour le virer. Hein. Moi, mes modèles politiques, c'est trois chrétiens que tu as peut-être en commun avec moi. Mike, on va voir d'ailleurs. C'est Charles Martel, c'est Jeanne d'Arc et c'est De Gaulle. Est-ce que tu es d'accord avec ces trois modèles? Deux premiers. D'accord. Les deux premiers. Les deux premiers. Tu peux répéter, on n'a pas compris. Les deux premiers. Pourquoi pas De Gaulle alors ? 40, évidemment, hein, pas du De Gaulle d'après. C'est une imposture, mais bon, on peut en parler si tu veux. Oui. Est-ce que De Gaulle entre 40 et 44 est ton modèle, ou est-ce que tu te revendiques plutôt de Pétain, qui était effectivement protégé par l'Église catholique à l'époque ? Je ne me revendique pas de De Gaulle. C'est une imposture. Qui est juste un type qui a fait à cette période-là de la politique pour prendre le pouvoir après-guerre. Pas de Pétain. Pétain, alors, je respecte Pétain, hein. Je dis pas voilà, que c'est un mauvais bougre. Je respecte le héros de Verdun. Je respecte aussi que, bon, que... sacrifié, mais Pétain, c'est aussi le secrétaire d'État en 34 à la guerre. Théoriser la ligne Maginot, théoriser le fait de ne pas mettre la ligne Maginot à Verdun, pardon, dans les Ardennes, comparer, on peut pas non plus faire de Pétain une figure du niveau d'un Charles Martel, par exemple, ni gaulliste. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que, je vais être plus clair, est-ce que l'islam doit partir de France pour toi, oui ou non ? Oh, non, arrête, tu le sais, toi aussi tu joues du politicien, t'es un politicien aussi, arrête, ne dis pas que je suis le seul politicien ici. Bon, on est d'accord. Tu l'as déjà écrit quelque part que l'islam doit partir de France et d'Europe ? Évidemment. Bah, à la décharge. J'aimerais savoir. Il est un peu, quoi. Bah. Je voulais juste dire, à la décharge de Mike, sur le chat, par exemple, il y a des gens qui disent « Oui, si on lit La gauche m'a tué », on voit que Mike est quand même très sur des positions anti-islam. Bon, C'est ce que les gens disent, hein. C'est même pas moi qui le dis, ce sont les gens qui le disent sur le chat, c'est pour ça. Contrairement à les réponses laïques, ou par exemple, moi, je publie Gérard Brazon, qui est un ami. Je n'écris pas les versets, machin et tout, parce que voilà, ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. D'ambiguïté, bon bah, joue d'ambiguïté si tu veux. Mais là, tu utilises une technique de politique, donc tu es un politique comme moi. Alors, pour moi, j'ai jamais lu nulle part, il faudra m'indiquer, peut-être après le débat, les liens où tu as écrit noir sur blanc et très clairement, l'islam doit quitter la France et l'Europe. Donc ça, première chose. Si tu l'as écrit, tant mieux. Moi, ça m'avait échappé, tu vois. C'est que tu dois pas le dire si souvent que ça. Bon. Moi, c'est... Et moi, je ne parle pas que d'immigration d'islam, c'est de parler d'être un peu éclectique, de parler d'économie, de parler de sécurité, de parler de politique étrangère, bon, voilà. Mais justement, je ne suis pas réponse laïque, hein. Ce n'est pas le même thème. Hein. Et ben voilà, c'est bien ça le problème, c'est que quand on est en 40... Ils sont à 100% là-dessus. Attends. Qu'ils ont raison, puisque en 40, De Gaulle ne parlait pas d'autre chose que du pan-germanisme et du nazisme. Et il avait bien raison, non? Écoute, le problème, c'est que... Moi je vais te dire une chose. Déjà, je te conseille vivement de sortir de ce débat Seconde Guerre mondiale. Je vais te dire une chose, la Seconde Guerre mondiale, elle s'est pas gagnée en France. Gagnée, tu vois. D'ailleurs, bon, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Je te le dis très sincèrement. Ça va faire plaisir à tous ceux qui sont morts pour la France, mon ami, dont mon arrière-grand-père, figure-toi. Non mais t'es gonflé, on n'a pas fait grand-chose. T'étais en train de cracher sur la tombe de tous ceux qui sont morts pour la France, là, d'un coup, en une phrase. On n'a pas fait grand-chose. Même les commandos Kiefer, qui ont débarqué le 6 juin 44, ils étaient peut-être que 170, mais c'était l'honneur de la France, tout comme la deuxième DB qui a défilé. Alors, peut-être que toi, t'étais du côté pétainiste et que ça t'emmerdait, mais figure-toi que c'était quand même l'honneur de la France. Donc, Non, tu sais d'où je viens. Je suis pas né français, je suis né polonais. Malheureusement, oui, bon, j'aurais aimé avoir du sang français, je n'en ai pas. Bon. Et je viens d'une famille de héros de la guerre, de Pologne. Dans ces coins-là, c'est-à-dire la guerre c'est faite. Elle s'est faite à Leningrad, elle s'est faite à la bataille de Berlin, elle s'est faite dans le Caucase. Et je le dis d'ailleurs à l'époque, je n'étais pas. C'est l'entrée des Allemands à l'Est, début de la fin pour eux. Voilà. Donc, c'est malheureusement, bon, moi je suis pas communiste, mais malheureusement, c'est l'Union soviétique, c'est ce qui restait de l'armée de Pologne, c'est ce qui restait de l'armée de l'Est, qui a fait que, bon, bah, les Allemands sont tombés. Moi je vais te dire, moi, je fais partie d'une famille de héros de la guerre, j'ai des gens morts à Katyn. J'ai un grand-père maternel qui était à la bataille de Berlin, qui était à Stalingrad. C'est autre chose que, et je dis ça sans mépris, mais vraiment sans mépris, c'est autre chose que ce qui s'est passé en France. Moi, tu sais, on m'a raconté des histoires, mais des vrais, hein, pas des conneries, hein, sur ce qu'était Stalingrad, sur ce qu'était la taïga, et où tu voyais, où il faisait tellement froid que des hiboux gelaient sur les arbres. Donc c'est un peu autre chose que ce qui s'est passé en France où chacun avait sa petite vie. Tu sais, quand il y a eu l'insurrection de Varsovie, par exemple, je vais te donner un exemple, l'insurrection de Varsovie, ghetto, mais pas Varsovie, c'est-à-dire le reste de Varsovie, eh bien, Varsovie a été finie au lance-flammes. Et tu as eu 800 000 habitants avant l'insurrection, et après l'insurrection, on a eu 7 000. Donc ça, c'est ça la guerre. Tu vois, c'est pas, bon, tourner pour la continentale, ou, je sais pas, moi, ou être un peu dans le maquis. Ça, permets-moi de le dire, c'est pas grand-chose. Incroyable. Donc, Mike Borowski, vous l'avez en live, là, je peux pas l'inventer, franchement, c'est trop beau, presque, dans un débat contradictoire, et on se demande après pourquoi je ne suis pas l'ami politique de Mike Borowski. Hein. Moi, je suis patriote français, je suis pas patriote polonais, excuse-moi. Donc, la Pologne, c'est très bien. Si tu trouves que les Polonais sont plus valeureux que les Français, va en Pologne, mon ami, personne ne te retient. Maintenant, si tu as un minimum d'estime pour les Français qui sont morts pour la France, d'accord, qui ont fait couler leur sang, jusqu'à présent, toi et moi, on n'a pas fait couler notre sang, sang, donc on n'a aucune leçon à leur donner à ces gens-là. Hein, on a plutôt de l'honneur et de la gloire qui nous vient d'eux, en tout cas pour ceux qui ont résisté, évidemment. Hein, pour les pétainistes, hein, dont tu trouves pas grand-chose à y redire, aux pétainistes, dont celui qui a dénoncé mon propre arrière-grand-père. Alors ça, donc là, il y a quelque chose qui colle pas, Mike. Tu te sens patriote français? Moi, je te sens pas patriote français. Moi, je te sens bien patriotte polonais. Tu dis, il n'y a pas une goutte de sang français qui coule dans mes veines. On dirait du Carla Bruni. Franchement. Alors, c'est pas étonnant que t'aies été chez Sarkozy, mon gars. Hein? Et alors, tu me parles de l'église catholique. Attends, je te pose juste une question et tu vas pouvoir répondre. Parce que tu me parles de ton église catholique, là. Formidable. Elle est de quel côté, l'église catholique, hein? Comme en 40. C'est marrant. Elle était pas avec le baiser républicain Pétain en 40. Eh ben, si. Et aujourd'hui, elle nous incite à nous faire coloniser ton église catholique. Donc, s'il te plaît, en ce moment, les catholiques, si j'étais eux, je ne mettrais pas trop en avant que je suis catholique, parce que j'irais plutôt en interne remonter ma hiérarchie, là. Tous les évêques du Conseil des évêques de France depuis 40 ans minimum veulent que la France disparaisse et change par un autre peuple. Quand Le Pen était à l'heure de vérité en 82 ou 83, Henri de Virieux lui lit un communiqué du Conseil des évêques de France en lui disant « Monsieur Le Pen, vous n'avez pas honte de dire qu'il faut pas d'immigration en France ?» Et donc aujourd'hui, les gens qui se revendiquent de l'Église catholique, moi je veux bien qu'on se dise catholique, mais à ce moment-là, qu'on lutte efficacement contre l'Église catholique, qui au niveau politique, je parle pas au niveau religieux, mais au niveau politique, au moins qu'on ait la décence de dire que ce pape est bien pire qu'Hitler. Le sang français, c'est un fait, et ça me retriste. Ça m'attriste, contrairement à Mme Carla Bruni, à qui ça rend fier. Moi, j'aurais aimé avoir dans mes aïeux des Français. Bon, ce n'est pas le cas. Je suis désolé, c'est comme ça. Bon, je viens de l'immigration des années 80. Je suis pas d'immigration des mineurs polonais des années 30. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Je ne peux rien y faire. La France, c'est mon premier combat. Tu sais très bien. Bon, mais tu aimes user des ficelles politiques parce que, je le répète, tu es un politicard comme moi. Voilà. Donc, on est de la même espèce. Même si tu as limité que 6 mois, tu es un politicard. C'était pas, non. Tu t'enfonces tout seul, continue. Non, continue. On parle d'église catholique, enfin du pape. Le pape n'est pas sur des principes catholiques. Et moi, je vais te le dire, hein, beaucoup ne veulent pas le dire, bon, parce que vous êtes attaché à l'institution. Il se protestantise. Je l'attendais, celle-là. Moi, j'ai une question, justement, parce qu'il y a souvent ce débat catholique-protestant. Alors, ce que dit Jean n'est pas faux. Le pape et toute l'église conciliaire est clairement du côté, on va dire, du mondialisme, de l'islam, de l'immigration, bref, de l'ennemi. Donc, est-ce qu'on peut encore se prétendre catholique lorsque on se met en dehors de l'église catholique, en fait? Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire une chose. Le Vatican, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la politique. Les types, ils font de la politique. Je conseille souvent aux gens d'écouter avant tout, enfin, de lire avant tout les évangiles, mais surtout, de s'y référer. Parce que le Vatican II, tout ça, c'est pas ce qu'a voulu Jésus-Christ. Enfin, je pense pas. Que le pape se protestantise, eh bien oui, il se protestantise parce que en réalité, il est sur les sur les dogmes américains, parce que c'est ça en fait, le protestantisme. C'est parce que quand on parle de son prochain, par exemple, voilà, pour un protestant dont Jean Robin nous dit, nous bassine chaque jour qu'il l'est d'ailleurs, il a été baptisé, donc il en parlera, et puis dans quel temple il fréquente. Donc, le pape, lorsqu'il parle de prochain, pour lui, c'est le tout venant. Le prochain, c'est qui? C'est le proche. C'est celui que l'on connaît, qui nous ressemble. C'est lui, le proche. Donc, en fait, voilà, le Vatican et le pape d'aujourd'hui, bon, parce que ils pensent être dans la modernité, parce que, voilà, l'idéologie protestants du fait d'Hollywood, du fait de la culture américaine, bien, ben voilà, elle prend le pas sur le sur tout. Et bien, et puis aussi parce que les évangéliques, par exemple, prennent un peu le pouvoir religieux au Brésil, en Amérique latine. Donc, bon, bah, le pape est aussi au Congo, en Afrique centrale. Donc, le pape essaie d'être dans ses dogmes pour essayer de réunir tout le monde. Moi, pour moi, le pape, ça reste juste qu'un homme, quoi. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà. Ok, mais là, on ne parle pas que du pape, on parle de tous les évêques et de tous les papes depuis au moins 40 ans, alors. C'est la conséquence. Enfin, je veux dire, c'est pas, je veux dire, François, le pape François, il est comme Jean-Paul II, il est comme peut-être moins que comme Benoît XVI, mais c'est l'idéologie qui arrive depuis l'après-guerre. Les Américains en Occident sont ceux qui disent avoir gagné la guerre. Eh bien, ils influencent le monde, tout simplement, et ils ont influencé par conséquent le Vatican et les papes successifs. C'est facile de dire ça. Mais c'est une... ah oui, alors, ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est la propagande catholique. Hein. Alors, je vais vous donner... Déjà, avant de donner quelques faits historiques, qui est le pape pour toi aujourd'hui ? Ça ne m'intéresse pas. Ne botte pas en touche, Mike. Tout le monde me voit. Réponds à ma question. Elle est simple. Qui est le pape pour toi aujourd'hui, Mike ? L'objectif, aux évangiles. Oui, bien non, sûr, parce faux. Que ça, seul, ça compte. À l'Ancien le Testament et que à la parole catholique. Non, je te parle du catholicisme. Là, t'es en train de me parler du protestantisme, justement. Mais viens chez nous. Viens chez nous, Mike. Quand on est catholique... Attends, mais arrête. Le protestantisme, c'est quoi ? C'est quelques prêtres cathos qui ont voulu faire leur propre business. C'est de l'hérétisme. Il faut se dire les choses. Ah, c'est un peu caricatural quand même de dire ça, non ? Moi, je suis pas protestant. Non, mais regarde, qui sont les deux principaux héros politiques aujourd'hui ? Mondiaux, hein ? Le principal ennemi, c'est le pape. Hein ? Donc lui, c'est bon, il est catholique, et Mike le pense aussi, mais il a même pas le courage de vous le dire. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qui sont les deux principaux ? Parce que je le dis à sa place, parce que j'ai un peu de compassion pour mon ami catholique. Les catholiques reconnaissent tous les conciles sans la moindre exception. Hein. Donc Mike aussi, et donc Vatican II aussi, et donc l'Église aussi. Non, pas du tout. Je t'ai dit que moi, je ne reconnais que les évangiles. C'est pas ce que je veux, c'est ce que les catholiques disent. Donc, soit tu es catholique et tu crois tous les dogmes. C'est faux. Ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est faux. Qu'est-ce qui est faux ? Non, mais qu'on croit à Vatican II, que les catholiques croient à Vatican II, croient dans des réformes. Parce que toi, comme tu es un réformé, tu veux faire pas croire que... les uns les autres croient dans la réforme. C'est faux. C'est faux. Ah, c'est pas un concile, Vatican II ? Écoute, est-ce que le Vatican II a été rédigé par Christ, ou par le Christ lui-même ? C'est pas ça le catholicisme, Mike. Ah, c'est pas ça. Tu délires. Catholique, on reconnaît tous les conciles. Ok ? Et donc, y compris Vatican II. Et donc, l'Église conciliaire n'existe pas, déjà. C'est un truc que vous avez créé, parce que c'est pas ça le catholicisme. Daniel Conversano le dit mieux que moi. Vous avez les musulmans qui disent c'est pas ça l'islam. Et puis, les catholiques qui disent c'est pas ça le catholicisme. Voilà. Bon, ben, on a compris. Donc, c'est bon. Arrêtez de vous fourvoyer vous-même, là. On essaye de vous aider. Donc, le protestantisme aujourd'hui, principaux héros du monde libre, d'accord, contre l'ennemi. Et c'est Trump. Il est pas catholique, Trump. Il est protestant calviniste, hein, dans la branche presbytérienne. Et Orban, calviniste. Donc là, tu peux pas nous enfumer avec tes histoires, là. C'est pas vrai. Et Orban, il est à la tête d'un pays majoritairement catholique, en plus. C'est pas étonnant, d'ailleurs, hein, s'il est à leur tête. Mais ça, personne le sait. Et aux 500 ans de la réforme, il tenait un grand discours, voilà, parce que les Hongrois sont beaucoup plus tolérants que les Français, catholiques, je parle. Les Hongrois catholiques sont beaucoup plus tolérants. Ils ont laissé une minorité calviniste, qui est de l'ordre de 15% là-bas, comme il y avait sous Henri IV chez nous, mais il ne s'est pas passé la même chose. Hein, et là, c'est là, on en arrive à la propagande catholique depuis longtemps en France. Moi, je préférerais vivre comme en Hongrie avec une minorité calviniste, puis une majorité catholique. Il y aurait encore le catholicisme peut-être au pouvoir, ou peut-être ça serait le protestantisme. Mais en tout cas, ça serait pas là. Il y aurait pas eu la Révolution française, hein, parce que les catholiques n'ont pas voulu de la réforme, mais ils ont eu la Révolution. Donc, depuis des centaines et des centaines d'années, les catholiques veulent un pouvoir sans partage sur la France. Résultat, ils ont eu bien pire que le protestantisme, à savoir le marxisme. Ah, bah, d'abord sous Robespierre et puis après sous la forme de Marx. Et je rappelle que les problèmes de l'Église catholique et de sa soumission à l'ennemi de la France, ou aux ennemis de la France, ne datent pas de Vatican II. Hein. Ça, c'est une belle histoire aussi que les catholiques adorent se raconter à eux-mêmes. Mais quand on a un minimum de culture, comme dirait l'autre, on sait très bien déjà, on a parlé de 1940, hein, l'Église, elle était du côté des Alliés ou de l'Axe? Elle était du côté de l'Axe. Elle soutenait les Oustachis qui faisaient la conversion de force des orthodoxes. Hein. Elle soutenait Mussolini, hein, en Italie. Elle soutenait Hitler, quoi qu'ils en disent. Elle soutenait Pétain. Voilà. Donc ça, c'était ça, l'Église catholique. Et puis, si on remonte dans le temps, l'Église catholique a toujours été contre la France. Elle a encerclé la France, par exemple, sous Louis XII, c'était Jules II à l'époque, le pape. Mais le problème, c'est que voilà, les Français ont été, c'est pas qu'ils s'intéressent pas à l'histoire, c'est qu'on leur a donné une mauvaise histoire, puisque c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ça c'est bien connu. Et les vainqueurs, après 1789, c'est les marxistes, et puis avant, c'était les catholiques. Et donc, les catholiques avaient leur version de l'histoire, où les protestants étaient responsables de tout, puis c'était toujours les enfoirés, les gens qui divisent, etc., alors que c'était des patriotes. Et donc, les marxistes se sont pas pris à la tête quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont repris la version des catholiques, parce que ça les dérangeait pas que les protestants soient le bouc émissaire de l'histoire, et puis voilà. Mais quand on regarde bien, les catholiques ont toujours été soumis à un pape, c'est-à-dire à un souverain étranger. C'est ce qu'on appelle la double allégeance, hein, que les catholiques adorent reprocher, notamment aux juifs. Enfin, beaucoup de catholiques adorent reprocher aux juifs. Mais leur roi, tu vas peut-être me citer Saint Louis comme un des plus grands rois, eh ben il n'y avait pas plus soumis au pape que Saint Louis, c'est-à-dire un souverain étranger. Voilà. Et donc les bons rois dans l'histoire de France, et j'en arrête là, je te rends la parole, mais les bons rois, c'est ceux qui sont inconnus, comme par hasard. Louis XI, un très grand roi, Louis XI, très grand stratège, la reine, on l'appelait, c'était pas pour rien. Son fils Louis XII, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Henri IV, évidemment, alors là. Mais sauf qu'Henri IV, voilà, il était tellement bon que là, vous avez même pas pu faire croire qu'il était mauvais. Parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu une période d'expansion en France. Que derrière, voilà, des rois comme Louis XIII et Louis XIV ont commencé à massacrer. Et donc vous avez une lecture inverse, évidemment, de l'histoire, où Louis XIII devient un grand roi alors qu'il n'a pas arrêté de massacrer les protestants et faire la division dans le pays. Sans parler de Louis XIV, qui a, et Louis XV, alors là, et Louis XVI, voilà. Ben, je vais répondre à ça, quand même. Alors, vas-y, Mike, vas-y. L'Église, aujourd'hui, le mariage homosexuel, ce sont des églises protestantes. Les idées progressistes qui arrivent aujourd'hui, type gender, d'où qu'elles viennent, de la religion des Américains. Bon, ça, on ne peut pas le nier. Après, tu sais, tu me parles de Louis XIV, Louis XIII, donner aussi, il ne faut pas falsifier l'histoire, il faut aussi dire que la guerre à La Rochelle, peut-être aussi parce que les protestants ont... travailler avec les Anglais et souhaiter une influence anglaise au sein de la France. D'ailleurs, le cardinal Richelieu disait c'est un État dans l'État, donc on ne peut pas l'accepter. Mais passons tout ça. T'aimes beaucoup parler d'histoire, évidemment, t'as l'air d'être un grand connaisseur d'histoire, d'ailleurs, je t'invite à écrire des livres dessus, je ne suis pas sûr que t'en aies fait. Je travaille. Le problème à droite, c'est que on adore se ressasser les dates du 15e, du 16e, du 17e, de dire oui, mais si Richelieu avait fait ça, si Henri IV, si machin. Sache que les gens qui nous écoutent, là, je suis sûr, là, les gens qui vont écouter le Discord de TEPA, eh bien, eux, ils veulent savoir, mais les mecs, oui, d'accord, tout ça, c'est bien, c'est beau, bravo, mais l'avenir, on fait quoi? Et l'avenir, on gagne, on fait ça comment? Et on boot les anti-français comment? On se bat contre nos ennemis comment? Comment on prend le pouvoir? Mais là, là-dessus, bon, alors je sais que aller sur les plateaux télé, bon, ça peut être peut-être que on peut avoir une, grâce à ça une dissolution totale de la République. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut débattre sur le moment présent et sur l'avenir. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Robin, là-dessus? Parce que là, là-dessus, bon, j'attends pas grand-chose, quoi. Moi, j'en pense que quand on est patriote, déjà, on s'intéresse à son histoire, mon ami. Et que mettre ça de côté en disant c'est secondaire, bah, c'est être de gauche, tu vois. Parce que c'est la gauche plutôt qui fait le passé, du passé table rase. Moi, ça m'intéresse d'où je viens, d'où viennent mes ancêtres, qui a réussi à libérer mon pays et de quel ennemi. Et par exemple, ce que tu dis sur La Rochelle est totalement faux. Mais là, ça serait un peu long, et effectivement, c'est pas le sujet nécessairement. Mais je renvoie à des livres quand même de protestants qui ont été évidemment censurés, persécutés par l'Église catholique, hein, Antoine Court, par exemple, qui a écrit un livre patriote, impartial et français, ben, il a dû l'écrire de Suisse, parce qu'en France, tu vois, il aurait été, on lui aurait coupé la gorge. C'était l'équivalent à l'époque des djihadistes, figure-toi, ton Église catholique, là. Donc, arrête de défendre une Église catholique patriote. Bon. Déjà, ça, c'est une première chose. Moi, j'appelle la France la fille aînée de Dieu, pas la fille aînée de l'Église. Je considère que la France était la fille soumise à l'Église. Et la dernière chose que je souhaite à mon pays, c'est que l'Église catholique revienne en force et nous impose encore tout ce qu'elle impose quand elle est au pouvoir. Là, t'as pas vu ce qui s'est passé au Chili, hein, peut-être, avec tous ces prêtres pédophiles là que le pape a été obligé de reconnaître, des milliers et des milliers. Donc, justement, ça c'est facile de mettre tout sur le dos des protestants, parce que les catholiques, vous avez mis dans les protestants tout et n'importe quoi, surtout des gens qui ne se disent pas protestants eux-mêmes. Alors ça c'est facile, après on dit, ah bah regardez, c'est des salauds. Trump, il est presbytérien. Aujourd'hui, c'est pas dur, mais voilà, il n'y a pas eu de culture, parce que vous l'avez interdit quand vous étiez au pouvoir, et les marxistes, ils en ont rien à faire, hein, du protestantisme. Donc évidemment, il n'y a plus de protestants en France. C'était un débat sur la remigration. Pourquoi tu me parles du protestantisme ? Alors d'accord. Ok. Donc l'histoire n'est pas importante, mais tu vois, je veux parler de la remigration, je veux parler que de ça, et là tu bifurques sur le protestantisme, sur le chili, et sur tout le reste. Ouais, je sais que ça te dérange tout ce que tu dis là sur ton église, mais souffre un peu que j'en parle. Non, mais du coup, tu as perdu temps. Non, je suis au cœur du sujet parce que je réponds à ton argument qui dit il faut que l'église catholique revienne en force en France. Alors, comment tu veux qu'elle revienne en force, sinon convertir tout le monde de force, hein ? C'est ça ton projet ? Parle-nous-en. Donc ça, je te laisserai la parole juste après. Moi, mon projet, c'est de libérer la France de ses ennemis, ok ? J'appelle les tenants du système islamique. Et donc, je regarde, ben oui, j'y viens, mais je regarde à travers le monde déjà, comme tu l'as très bien dit, là, je peux être d'accord là-dessus, la France, elle s'est pas libérée toute seule, figure-toi. Donc, effectivement, on a eu besoin d'alliés. Et donc, j'aimerais savoir qui sont tes alliés aujourd'hui. Parce que moi, Trump, il est protestant, alors c'est pas ton allié, c'est ça, si je comprends bien ? Orban, il est calviniste, c'est pas ton allié, alors. Faut être cohérent. Si tu dis les protestants sont les salauds de l'histoire, ne fais alliance ni avec Trump, ni avec Orban. Mais là, tu seras bien emmerdé parce que c'est les deux les plus anti-islam. Donc c'est là où c'est pas du tout cohérent. Et les pays les plus catholiques aujourd'hui sont souvent les pays où il y a le plus d'immigration massive. Hein, et bien plus qu'en Scandinavie luthérienne. Donc ça marche pas ton truc. Maintenant, sur le comment, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle ? Évidemment, tu comprends pas De Gaulle, ou tu l'aimes pas, ou tu l'apprécies pas. Donc, tu ne peux pas apprécier ma stratégie. Moi, je suis sur sa stratégie à lui, qui est gagnante, figure-toi. Hein, désolé, De Gaulle, il a gagné. Donc, si tu l'apprécies pas alors qu'il a gagné, qu'il a permis à la France de revenir dans le concert des nations parmi le Conseil de sécurité, hein, d'être un des 5 pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Tu peux trouver que c'est de la merde, que De Gaulle est un con, mais quand même, il l'a fait. Alors, ça, déjà, faudrait que tu nous répondes là-dessus. Ensuite, il a évité aux Américains de mettre en France l'AMGOT, hein, c'est-à-dire un gouvernement provisoire comme au Japon, parce que c'était ça que tu voulais. Et puis, c'était une stratégie gagnante dès le début. En 40, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à Londres, terre protestante justement, alors c'est peut-être pour ça que tu l'aimes pas, effectivement, sauf que c'était la stratégie gagnante parce que il a fait une guerre de l'information. Moi, je suis sur une guerre de l'information. Tu dis, il faut faire un coup d'État. De Gaulle, il l'a fait, figure-toi. Mais il a pris déjà la BBC. Et c'était pas Churchill qui lui a donné, parce que la liberté, elle se prend, elle se donne pas. Donc il a pris la BBC, et d'émission en émission, j'ai déjà expliqué ça ailleurs, mais je peux le redire, Churchill lui avait donné qu'une seule prise de parole. Et à la fin de la première prise de parole, il a dit, sans que c'était prévu, bah, rendez-vous demain. Voilà. Et là, Churchill a été mis devant le fait accompli. Et il a fait la même chose l'émission suivante, et comme ça, il y a eu les émissions à la BBC. Donc, c'est une guerre de l'information. Une grande partie de la guerre, en France en tout cas, a été gagnée grâce à la BBC. Et c'était une source d'espoir formidable. Tu ne peux pas cracher là-dessus. Le patriote français aujourd'hui, moi, qui crache sur les émissions, la France, c'était quoi, les Français parlent aux Français, etc., ils ont rien compris. Voilà, ce sont des défaitistes comme les Abosi et compagnie. Moi, je comprends même pas qu'on ose défendre Pétain aujourd'hui et se dire patriote français. Moi, ça me... Voilà. Est-ce que tu es sur la ligne Abosi ? Borowski. Je n'ai jamais été sur la ligne de quelqu'un, je n'ai jamais cherché à copier les gens, à être sur la ligne des gens. Plus, c'est quoi ta ligne ? On la comprend pas. De Gaulle, t'aimes pas Pétain, c'est quoi ta ligne ? On la comprend pas, t'aimes pas De Gaulle, t'aimes pas Pétain, alors qu'est-ce que tu aimes ? Parce que là, on comprend pas. Répondre sur ce que tu as dit. Conseil de sécurité, c'est malgré tout pour la France, même en 45, la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ah bon ? Ce qu'est la France. Bon. Il faut que tu saches que pendant la guerre, parce que ils ont perdu beaucoup de leurs troupes, la plupart de leurs troupes, sur le front de l'Est. Tu vois ? C'est comme ça que c'est passé. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et lorsqu'ils ont perdu les grandes batailles de Leningrad et Stalingrad et du Caucase, et leurs alliés, Berlin, les Allemands, ils mouraient de trouille. Les Allemands, pour rester en France et pour ne pas aller sur le front de l'Est, se mutilaient. Imagine le truc, quoi. Parce que c'est là. C'est le front de l'Est, je le répète, c'est le front de l'Est, guerre. C'est malheureux à dire, peut-être ça t'emmerde. Bon, moi aussi ça m'emmerde dans un sens, parce que bon, c'est les Soviétiques. On peut pas la changer. Voilà, donc De Gaulle, lui, en réalité, dans un sens où sa stratégie lui a permis de prendre le pouvoir. C'est ça, De Gaulle. C'est une volonté, à partir de 40, de prendre le pouvoir. Tout simplement. Ce n'est pas une volonté de faire combattre la France pour gagner la guerre. C'est faux. Pour moi, Trump et Orban, évidemment, ce sont des alliés. Mais moi, je n'ai pas un fanatisme sur le protestantisme. Je n'ai jamais dit que le protestant était des ordures, des salauds, ou que sais-je. Je dis simplement que la France, c'est le catholicisme. On n'est pas des Anglais, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Allemands, et il faut respecter le baptême de Clovis par Saint-Rémy, et il faut respecter que ce jour-là a été la création de la France. C'est ça l'histoire. Voilà, en 496, il n'y avait pas de protestantisme. Voilà, c'était le catholicisme qui crée la France. Et ça, eh ben, je suis désolé, ça permet une prédominance du catholicisme sur tout le reste. Mais bon, on va pas épiloguer catholicisme, protestantisme, parce que c'est pas ça la question. Toi, tu voulais parler de la remigration. Bon, parlons de la remigration, et je vais te parler évidemment de la prise de pouvoir, parce que c'est ça qui importe. C'est ça qui importe les gens. Alors évidemment, tu vas me faire passer pour un salaud qui veut pas parler de l'histoire de France, machin. Mais malgré tout, on veut quand même donner des solutions, parce que notre but, c'est donner des solutions sur l'avenir de ce pays et sur le présent de ce pays. Parce que on peut débattre sur Saint-Louis, sur Louis XI, Louis XII, Henri IV. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Et moi, ça m'intéresse d'ailleurs. Moi, je pourrais débattre avec toi des heures là-dessus. Mais déjà, on n'a pas des heures. Et secondo, à un moment donné, mais préoccupons-nous de l'avenir. Mais enfin, je sais pas quoi. Je veux dire, on va pas à chaque fois être dans le passé, à chaque fois à dire oh là là, mais Louis VI le Gros et Philippe le Bel, machin. donnons des solutions, parce que les gens qui nous écoutent, ce qu'ils veulent, ce sont des solutions. Ils veulent pas nous voir débattre sur des spécialités qui nous intéressent que nous. Ouais, alors moi j'ai pas la capacité d'être dans la tête des gens, donc on verra bien ce qu'ils diront de ce débat. Mais si on veut... L'histoire de tes pas, où tu es passé. T'es pas où je suis passé, là. C'est le Discord que je suis en train de faire avec toi, donc je peux pas savoir ce que les gens pensent de ce débat à l'avance, c'est pas possible. Donc, si on veut se projeter dans l'avenir, il faut savoir d'où on vient. Quelqu'un peut pas aller où que ce soit s'il sait pas d'où il vient. Et moi, quand j'entends des catholiques revendiqués comme toi qui me disent « La Rochelle, c'était super », alors qu'il y a eu 20 000 morts, ok, et qu'on a affamé des gens, des femmes, des enfants et des vieillards, ok, ça me paraît pas très catholique tout ça, hein, si tu permets l'expression. Donc c'est très important de revenir, par exemple, au baptême de Clovis. Tu parles du baptême de Clovis. Ah oui, j'étais pas au courant qu'il y avait pas de protestants. Mais toi, est-ce que t'étais au courant qu'il y avait pas de pape à Rome à l'époque? Bon, donc là, on pourrait aller loin aussi. C'était pas le catholicisme tel qu'on le connaît aujourd'hui qui était présent au baptême de Clovis. Et est-ce que pour toi, nos ancêtres, les Gaulois, ça veut dire quelque chose? Ou est-ce que la France, elle a commencé au baptême de Clovis? Parce que ça aussi, ça commence à m'énerver, tous les catholiques qui disent le baptême de Clovis, le baptême de Clovis. Et avant, il n'y avait pas des Gaulois, hein, je parle à nos amis païens, là, les Pagan TV et compagnie, là, ils doivent s'arracher les cheveux en t'écoutant, comme ils souvent en écoutant les catholiques. Pourquoi il faut faire commencer la France au baptême de Clovis? C'est quoi cette histoire, quoi? Arrêtez, les gars. La France, elle commence bien avant, non, tu crois pas? Écoute, Jean, je vais parler de l'avenir. C'est vraiment parce que voilà. Là, réponds à la question et après tu passes à l'avenir. Ça fait deux questions. À 15 heures, on sera encore là, quoi. Je sais pas quoi. Quoi ça sert? Ouais, donc je vais te le dire à ta place. Toi, pour toi, la France commence au baptême de Clovis, tout comme la France commence à la Révolution française pour les marxistes. Voilà. Vous êtes incapable de vous projeter dans le passé pour voir que la France, elle a des racines. De Gaulle disait deux fois millénaire. Bon ben voilà. Donc, ça faut le dire quand même, faut le reconnaître. Je vais quand même parler un peu d'avenir et ce qui peut être fait. Et tu m'as reproché tout à l'heure d'être d'être un apparatchik. Oui, bon, je l'avoue, j'étais un apparatchik, hein, je vais pas te dire le contraire. J'ai même créé, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, en 2007, avec quelques gens de l'Élysée, ce qu'on appelle les jeunes sarkozystes. Donc, je te dis, et j'avais mon petit entretien tous les mois à l'Élysée pour cette association. Enfin, bref. Donc oui, je suis un apparatchik, mais par conséquent, je connais un peu les problématiques de ce pays, je connais un peu les institutions, et je sais ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. De l'avenir et donc de ce qu'on doit faire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les institutions d'aujourd'hui, à quelque président que ce soit, pas un pouvoir, d'avoir un quelconque pouvoir. Mais pire que ça, une personne qui n'est pas de droite de gouvernement, de gauche de gouvernement, ou aujourd'hui de centre de gouvernement, d'accéder à ce pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que parmi les auditeurs de TEPA, beaucoup, beaucoup votent Marine Le Pen. Eh bien, il faut savoir que le vote Marine Le Pen, et je pense que Jean-Robin est d'accord avec moi, malheureusement ne gagnera jamais. Parce qu'aujourd'hui, un autre parti que les trois cités précédemment peut arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est comme si, je sais pas moi, une équipe de rugby jouait au football contre le Real Madrid. Ceci ne peut pas gagner. Il faut vraiment être dans le système, dans les institutions, pour que celles-ci te permettent d'avoir une majorité. D'abord, il faut savoir que la présidentielle, c'est beaucoup d'argent. 15, 20 millions. Bon, d'ailleurs, ça, le Front National peut l'avoir. C'est la présidentielle, c'est aussi un maillage territorial d'élus. Il faut avoir, donc, le Kidam ne peut pas se permettre d'avoir 500 parrainages de maire. C'est pas évident, parce qu'il faut avoir un maillage d'élus. Il faut être donc, du coup, déjà du sérail. Ensuite, il faut savoir que la présidentielle, c'est deux tours. C'est deux tours majoritaires. Donc, il faut forcément avoir une alliance avec Dupont-Aignan. Mais une alliance avec un parti à 15-20% minimum. Ce que le Front National ne peut pas avoir. Le Front National ne peut pas gagner seul. Personne, d'ailleurs, la présidentielle de la Ve République n'a pu gagner seul. Pas même De Gaulle. De Gaulle lui-même, au premier tour, n'a pas fait la majorité. Enfin, je dis ça parce que je faisais beaucoup de Facebook Live pendant la présidentielle et des gens, et beaucoup de gens pensaient que Marine Le Pen pouvait gagner au premier tour. Ce qui est faux. Même si, bon, on va dire que Marine Le Pen avait réussi un grand débat qu'elle avait eu avec elle, une alliance, juste après, à l'Assemblée nationale. Et sur l'Assemblée nationale, le président est en minorité et en cohabitation. Sont là pour empêcher un autre parti qu'un parti officiel d'accéder au pouvoir. Et puis, il y a aussi un dernier fait qui, je pense, est important, qui est arrivé là dernièrement en Italie. La commission, enfin, Bruxelles, a demandé au président italien un vote italien, en Italie. Et je pense que si demain, un parti autre que la droite ou la gauche arrive au pouvoir, Bruxelles ira jusqu'à ce point en France. Donc, du coup, impossible d'arriver au pouvoir. Il faut savoir qu'ici, vous avez des contre-pouvoirs très importants, institutionnels, qui peuvent censurer toutes les lois qu'ils souhaitent. Je rappelle que, par exemple, je vais prendre un exemple, hein, la loi El Khomri a été censurée par le Conseil constitutionnel sur 5 articles. Ça signifie que le Conseil constitutionnel, qui est devenu une sorte de Cour suprême américaine, eh bien, a plus de pouvoir que le président lui-même, qui ne peut pas remettre, par exemple, ces 5 articles, parce que le Conseil constitutionnel les a censurés, puisque celui-ci juge, hein, que ceux-ci sont hors de la Constitution. Mike, je vois que tu déroules là, mais tu es en train de dire tout ce qu'on sait déjà. Enfin, moi, je sais déjà. Les gens ne le savent pas. Parce que je vois que les gens rêvent sur des choses qui ne peuvent exister. C'est pour ça que moi, j'explique. Ce qu'il faut faire, il faut sortir de la République. Mais si tu ne peux pas gagner, si tu ne peux pas gagner par les urnes, explique-nous. Quoi ? Par un putsch, tout simplement. Mais comment tu fais un putsch ? C'est quoi un putsch ? Parce que les gens me demandent aussi sur le chat. On me dit, oui, Mike, il dit, c'est pas par les urnes. Alors c'est quoi ? C'est par les armes. Alors c'est quoi un putsch en fait ? Moi ça aussi, Ça peut être une guerre civile. Ça peut être une guerre civile. Appel à la guerre civile. Appel à la guerre civile. C'est, je comprends. Attends. Scoop. Alors là, t'es pas. Donc moi, je me désolidarise immédiatement de tout ce qui est dit là par ce fou furieux là. C'est quoi ? Je savais pas que t'avais. Non, évoqué là, je donne des hypothèses. Pour la guerre civile. Non, mais réponds clairement à la question là, parce que sinon, suis pour la guerre civile, j'arrête tout de suite le Discord et je rentre chez moi, parce que ça sert à rien de discuter avec quelqu'un qui est pour la guerre civile. Hein. Alors, je t'écoute. Je donne des hypothèses. On me dit comment. Je donne des hypothèses. Je dis que ça se fait de différentes façons. Pas par 20-30 façons. Ça se fait par 3-4. Plus clair, Mike, c'est grave ce que tu dis là. Sois plus clair, s'il te plaît. Es-tu pour la guerre civile, oui ou non ? La question, elle est claire. Si tu dis oui, je m'en vais. Si tu dis non, on continue. Je t'écoute. Pour la guerre civile, j'ai dit que tu as, pour une prise de pouvoir, tu as aussi la guerre civile. Je t'ai pas dit on va faire la guerre civile. Incroyable. Je sais pas ce que tu dis, on comprend pas. Je sais pas, est-ce que je délire ou... Bah, j'ai du mal à percevoir, moi aussi, je comprends pas. Parce que quand tu dis, on va prendre le pouvoir par la guerre civile, c'est toi qui provoque et qui appelle à cette guerre civile où il faut attendre l'opportunité qu'elle se déclare pour prendre le pouvoir. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Excuse, j'ai pas été clair là-dessus, je vais essayer d'être plus clair. Par un coup d'État. On peut prendre le pouvoir soit par un coup d'État, guerre civile, soit par les urnes. Voilà. Ce sont les trois façons aujourd'hui de prendre, enfin aujourd'hui, de toute l'histoire, de prendre le pouvoir. Donc un peu théorique. Bon. Moi, je ne suis pas pour la guerre civile, même si la guerre civile peut arriver du fait que dans 20, 30, 40 ans, les Français, les vrais Français, deviennent minoritaires chez eux. Ça peut amener une guerre civile. Voilà. Mieux ? Vous comprenez maintenant ? Bon. C'est-à-dire, en fait, tu dis que, effectivement, la situation est telle qu'une guerre civile pourrait se déclencher et qu'elle aurait pour conséquence un renversement de pouvoir. C'est ça, en gros. Ah. Moi, je suis plus comme t'as, comme a fait ton celui que tu admires, le général de Gaulle. Le général de Gaulle a fait un coup d'État en 58. Dans cette logique-là, deux coups d'État. Le général de Gaulle n'est pas venu par le biais d'élections, oui ou non? Évidemment, c'est pour ça que moi je ne suis pas assez naïf pour croire qu'on est en démocratie et je n'ai pas milité dans des partis plus de 6 mois, tu vois. Contrairement à toi. Et moi j'explique que la prise de pouvoir des gens qui pensent globalement comme nous, et on va dire comme toi, ne peut être faite autrement. Tu vois, tu me reproches de dire on sait pas, on comprend pas, Jessica, elle s'est foutue de ta gueule, etc. Mais toi, tu dis que, comment on fait, Mike? On sait pas. Tu appelles au coup d'État, qu'est-ce que tu demandes là? Est-ce que tu joues les Eric Fiori, là, alors il va y avoir, je sais pas quoi, telle date, là, le 5 mai, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une stratégie que tu partages avec des généraux qui sont anonymes et qui doivent le rester jusqu'au coup d'État? Est-ce que tu vas faire un coup d'État à la De Gaulle, à la Napoléon? Il y en a eu pas mal de coups d'État, hein. Aujourd'hui, moi, je vais te dire une chose, je vais être sincère, je n'ai pas la solution, voilà, je ne vais pas te dire on va faire un 18 Brumaire, mais la solution aujourd'hui pour passer outre l'élection, parce que faut pas jouer, je joue pas au con, quoi, je veux dire, c'est pas, enfin, je veux dire, tu ne seras aucun de nous, aucun Front National ou autre ne sera élu à la tête de ce pays, il faut le dire. Le Front National ou un autre, dans le même genre, ne sera pas élu. Donc tu fais quoi? Si les gens ne sont pas élus, tu fais quoi? T'attends, tu dis, bon, ben, on attend... C'est le sujet du débat, là, Mike. Attends, parce que t'as beaucoup... Un peu à mon tour, là. Moi, en 2017, je n'appelais pas à voter Fillon, contrairement à toi, hein, me semble-t-il. Donc, toi, tu y as cru... J'ai pas appelé à voter Fillon. Activement pour lui et le monde non, non, le monde attends bon ok alors le Titanic est un avion, ok, très bien, j'incite les gens à aller faire leur recherche, mais à la limite peu importe, moi si tu veux ça fait depuis 2009 publiquement que je dis qu'on n'est pas en démocratie, que l'extrême droite, ce que j'appelle la nouvelle extrême droite, est au pouvoir, c'est-à-dire le pro-islam, c'est-à-dire intégrisme religieux, antisémitisme, etc., racialisme même, hein, avec les blancs tout en bas et les minorités tout en haut, l'Union européenne qui a tous les pouvoirs, etc. Donc on n'est plus en démocratie, donc ça sert à rien de croire à tous ces billevesés du Front National et compagnie. Et effectivement, là je te rejoins, tous ces partis, c'est comme Pétain en 40, c'est fait pour empêcher les patriotes de s'engager dans la résistance. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, enfin, c'est que c'est pas clair, on sait pas ce que tu appelles à faire. Alors moi, justement, au contraire de toi, il me semble que ce que j'appelle... À faire quoi? À faire une association 1901? C'est ça, un appel? Laisse-moi l'expliquer. Tu fais l'association 1901, voilà. En plus, t'es un libéral et tu fais l'association 1901. Bravo. Attends, laisse-le finir. Laisse-le finir, il n'a pas fini. Il n'a pas fait d'association 1901. Je ne sais pas ce que tu racontes. Non, moi, je suis en Polynésie ici. Il n'y a pas d'association 1901. Donc, moi, si tu veux, j'ai compris qu'on est dans une guerre de l'information. Et c'est comme en 40, De Gaulle, il a fait son premier coup d'État, c'était en 40, hein, c'était pas en 58. Moi, je suis contre le De Gaulle de 58 à 69, et je suis pour à fond le De Gaulle de 40 à 44. Voilà. Parce qu'en 40, il a compris que la France ne se libérait pas par elle-même, qu'on était dans une guerre mondiale, et comme par hasard, c'est la même chose aujourd'hui. Et donc, moi, ce à quoi j'appelle, c'est que les patriotes, déjà, se reconnaissent entre eux sur une ligne politique claire, que j'appelle moi de mes voeux, et que d'ailleurs j'ai dicté ou rédigé dans un manifeste, voilà, que j'invite les gens à signer, parce que c'est un contre-manifeste de l'oligarchie. L'oligarchie a fait un manifeste contre le nouvel antisémitisme, hein, une fois de plus en mettant l'accent sur l'antisémitisme, alors que il y aurait que les juifs en France, quoi. C'est comme... Enfin, c'est incroyable, depuis Mitterrand, et même avant, il n'y a que des juifs en France qui sont tués par des musulmans. Ah bon, c'est nouveau. Donc, nous, on est un certain nombre de gens à avoir fait un manifeste. Si tu veux, De Gaulle avait fait un appel, je me compare pas à lui, mais nous, on essaye de prendre position sur une ligne politique claire qui soit rassembleuse de tout le monde, qui sont sur la même ligne déjà. Parce que là, il y a plein de chapelles chez nous, et c'est ça la faiblesse principale de notre camp, c'est que tout le monde est chef de rien. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans un mouvement déjà, pas forcément hiérarchique avec un chef et puis des sous-chefs et puis des sous-sous-chefs. Ça marche pas comme ça. on n'est plus, il n'y a pas de De Gaulle de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas un général là ou je sais pas quoi. Et déjà à son époque, il était très contesté. Mais je vois plus une guérilla déjà de l'information avec des guerriers de l'information. Et moi, c'est ce que j'essaye de monter avec mon mouvement Paix, patriote anti-islam et xénophile. Et j'invite. Ma question. Tu veux garder les institutions actuelles si par la guerre d'information. Attends, ouais, laisse-moi dérouler. J'ai pas fini parce que c'est important. Je répondrai à tes questions si tu veux après, mais c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est déjà, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour signer mon manifeste ou pas? Parce que on est déjà, il y a des colonels honoraires qui ont signé, il y a des lieutenants colonels, il y a des apostats de l'islam, il y a des intellectuels, il y a des artistes. Ah, on est 80, j'invite les gens à chercher, ils tapent manifeste contre les 300 collabos de l'islam, ils signent s'ils sont sur la même ligne et qu'ils sont suffisamment courageux pour signer sous leur nom, voilà, avec leur qualité, etc. On va arriver à 300 et là, on créera un rapport de force avec l'oligarchie et son manifeste à la cour. Rapport de force. Moi, je comprends pas. Il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir. Ou l'élection ou le coup d'État. Donc toi, t'es quoi? T'es l'élection ou le coup d'État? En démocratie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Est-ce que De Gaulle a pris au coup d'État la liberté pour l'élection? Coup d'État, ça me paraît ultra violent. C'est un appel à la violence. Moi, je suis pas pour la violence. Je suis pour la prise du pouvoir. Mais en 40... En élection ou en coup d'État? Donc par l'élection, alors. L'élection. Tu veux aller à la présidence de la République? Pas du tout. J'arrête pas de dire le contraire. Depuis 10 ans, moi, je le dis publiquement, Mike. C'est toi qui es allé à l'élection sans cesse. Moi, je suis. Attends. Je réponds à ta question. 1000 élections. Donc, tu ne prends pas le pouvoir. Désolé. Donc, si tu veux, je ne prends pas le pouvoir. Donc, De Gaulle en 40, est-ce qu'il appelait au coup d'État? De Gaulle en 40 appelait la résistance contre les nazis. Ça n'a rien à voir. Bah si, ça a tout à voir. En 40, il a appelé à la résistance contre les nazis. Est-ce qu'il a pris le pouvoir en 44? Il n'a pas appelé au coup d'État. Il a pris le pouvoir parce que les nazis ont perdu la guerre. Et que la France a été libérée en 44. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre entre nations. Donc aujourd'hui, pour prendre le pouvoir, c'est simple. C'est soit l'élection, voilà, des votes, des urnes présidentielles, soit un coup d'État. C'est pas compliqué ce que je te pose comme question. Est-ce que tu es pour le coup d'État? Tu m'as dit non. Est-ce que tu es pour l'élection? Tu as dit non. Donc, ça veut dire que tu n'es pas au pouvoir, parce que c'est pas un manifeste qui prend le pouvoir. Je suis désolé. Aussi bon soit-il. Oui, je te l'accorde, De Gaulle n'a pas pris le pouvoir en faisant l'appel du 18 juin, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi je te dis, je suis sur la ligne De Gaulle en 40. De Gaulle n'a jamais appelé à faire un coup d'État. Et pourtant, il a pris le pouvoir en 44, tu vois. C'est parce qu'il a eu la vista, il a vu à l'avance ce qui allait se passer, justement, que les nazis allaient perdre la guerre, alors que tout le monde croyait qu'ils allaient la gagner, puisqu'ils nous avaient battus à plate couture même. Ils ne sont donc pas en guerre. Quand je dis les républicains, c'est-à-dire les gens au sein de l'institution. Le président de la République, Macron, il n'est pas en guerre. Édouard Philippe non plus, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, ils ne sont pas en guerre. Donc, ils ne vont pas perdre une guerre contre une puissance étrangère. Ils ne vont pas s'affaisser comme ça. C'est ça qui est compliqué. Ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est que tu n'as pas compris, mon gars. Donc, je t'explique. Écoute un peu, ouvre un peu tes oreilles. Donc, l'oligarchie n'est pas en guerre parce qu'elle est collabo de l'islam, ok, c'est ce qu'on appelle les tenants du système islamique. C'était comme Pétain en 40. Tiens donc, Pétain n'était pas en guerre en 40. Il avait signé un armistice. Hein. Et moi, je considère que ce manifeste des 300 collabos de l'islam, donc contre le nouvel antisémitisme, c'est l'équivalent, si tu veux, de la poignée de main d'Hitler et de Pétain à Montoire. Et donc nous, on est contre ça politiquement. Donc déjà, il faut le dire. Ensuite, on rassemble notre camp. Ensuite, on passe à l'action. Et par exemple, un des terrains sur lesquels on passe à l'action, c'est la liberté d'expression. Et moi, je fais ça en tant qu'éditeur. Je prends énormément de risques physiques, économiques, à tous les niveaux. Et j'édite, par exemple, Breivik. Est-ce que toi, tu me soutiens dans cette édition, sans partager évidemment Bonjour, je te soutiens dans toutes tes éditions. Voilà, je te soutiens. Mais ça ne prend pas le pouvoir. Ça ne fait pas de Jean Robin le souverain de la France. Voilà, ça ne fait pas ça. Ça, je veux dire, ça maintient ça maintient Monsieur Macron et toute l'oligarchie que tu condamnes à la tête de ce pays. Ça ne fait pas, je veux dire, Monsieur Macron va pas dire, oh là là, il y a un manifeste de Jean Robin, je vais démissionner, merci, au revoir, je dissous la Ve République et je donne les pleins pouvoirs à Monsieur Jean Robin. Ça ne fait pas ça. Donc, dis-moi concrètement comment tu fais. Voilà, concrètement, je veux savoir parce que tu ne le dis pas jamais. Voilà, c'est tout. Moi, je te dis que dans ce pays, il faut un coup d'État. Comment on le fait? Alors, je ne sais pas comment on peut faire ce coup d'État, mais on ne sait pas plus. C'est-à-dire, toi, tu préconises un coup d'État, mais un coup d'État quoi? Militaire, l'armée, les gendarmes qui doivent se rebeller. Ça peut être un coup d'État de gens organisés, de civils, qui peut-être... parce que moi, je vais te dire, Jean, il ne veut pas de la violence. Mais moi, je suis désolé, mais le combat politique, c'est la violence. Sans violence, tu ne fais rien. D'ailleurs, on le voit très bien ici en France. 1,5 million de personnes, manif pour tous, les gentils gars de la droite, papa, la maman, les enfants, défilent dans Paris, tout le monde s'en fout, on fait passer la loi du mariage pour tous. 10 000 gauchistes à Notre-Dame-des-Landes mettent de la violence. D'ailleurs, ils ont même piégé leur terrain contre les gendarmes. Eh bien, l'État se couche, il se couche même sur un référendum et l'État dit, oh bah, ok, d'accord, on ne fera pas d'aéroport. Donc, la violence est une nécessité dans le combat politique. La violence, cher Jean, parce que t'es un protestant ou j'en sais rien, des conneries, ça. Voilà. Tu ne veux pas de la violence parce que t'as pas les épaules, hein, et entre les deux jambes, tu vois, t'as pas les couilles. Jusqu'à quel point, cette violence? Jusqu'à quel point et sous quelle forme? Parce que la violence, c'est quand même... c'est physique, c'est ça que tu veux dire? Parce que c'est une violence physique, là. Mais évidemment, moi je vais vous donner un exemple. Si la manif pour tous, lorsqu'elle était sur l'Arc de Triomphe, ils étaient 1 million ce jour-là, avenue Foch et l'Arc de Triomphe, si à ce moment-là, la manif pour tous avait décidé de descendre les Champs-Élysées, et par conséquent, il y aurait eu de la violence, puisque des policiers, enfin, je veux dire, des gardes, des policiers auraient empêché la manif de descendre les Champs-Élysées. Eh bien, forcément, à ce moment-là, tu aurais eu un rapport de force et de la violence. Et donc, si la manif pour tous était descendue les Champs-Élysées et serait allée jusqu'à l'Élysée, jusqu'à M. Hollande, alors je peux te dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de mariage. C'est une certitude. Seulement, eux, la manif pour tous, ils sont sur ton logiciel, Jean. C'est-à-dire, oui, on est des gentils, on est des good guys, faut pas d'un débord ou pas ceci. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? 1,5 million de mecs ont perdu politiquement sur le mariage pour tous, alors que 10 000 gauchistes ont gagné, eux, politiquement contre l'État. Tout simplement. Ose-moi dire le contraire. Ouais, je te dis le contraire, parce que la manif pour tous, c'est dommage pour toi, moi je les connais bien, tous ces gens-là, et il se trouve que ce sont des catholiques comme toi. Ce sont pas des catholiques? Ce sont des catholiques, ok. Ah bah voilà, moi je suis pas catholique, hein, donc désolé. Alors, non, ben c'est le rapport, tu essayes de me mettre ça sur le dos, leur échec patent sur le dos. Moi, je ne suis pas pour rien. Je te dis juste que tu es sur le même logiciel de Peace and Love. Toi, t'es un Peace and Love. Avec des Peace and Love, on ne m'a rien. Hein. On ne fait rien du tout. Hein. Moi, je peux te le dire. Les types d'en face, ils rigolent. Hein. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui ne serait pas Peace and Love, Mike Borowski, hein? Qu'on regarde un peu. Est-ce que tu as enquêté, comme j'ai enquêté moi, sur des sujets interdits? Est-ce que tu as publié le Breivik? Alors attends, parce que c'est à moi de parler. Le Breivik, moi j'entends beaucoup de paroles, comme chez les apparatchiks, voilà, ça tu l'as très bien dit, tu es un apparatchik, Mike. Passe de la parole aux actes une fois dans ta vie, et le Breivik, par exemple, tu dis oui, je te soutiens, c'est facile. Maintenant, relais sur la page de Gauche m'a tué, Jean Robin a publié Anders Breivik, il est censuré sur Amazon et sur Fnac, achetez-le pour le soutenir et pour soutenir la liberté d'expression dans ce pays, et je me désolidarise évidemment des massacres commis par ce terroriste. Mais c'est important que ce livre ne soit pas censuré, tout comme le livre que je viens d'éditer, et qui est censuré, et qui est en train d'être censuré, parce que je me prends le lobby LGBT sur le dos, la criminalité du lobby LGBT. Je te prends au mot, parce que c'est facile de parler, tu comprends, bon là c'est public, donc c'est déjà un peu plus, mais va sur La Gauche m'a tué, édite un article qui dit la criminalité du lobby LGBTQ de Jean Robin est en train d'être attaqué très violemment par ce lobby qui veut le faire censurer d'Amazon, qui en a appelé à Marlène Schiappa pour qu'il traîne en justice Jean Robin pour homophobie, hein, comme ils savent si bien le faire. Fais-le, Mike, tu vois. Moi, j'ai fait... Envoie-moi le texte, je le publie. Bon, je dis, bon, ça, je prends aucun risque à faire ça. Pardon. Je suis pas un prix Nobel, hein. Je veux dire, c'est rien. La chose dans ta vie, à part ce qu'on a fait ensemble devant l'AFP, que tu n'es pas très risqué non plus, il ne faut pas exagérer, et quelle est la chose où il y a eu de la violence dans ta vie, Mike? Tu n'es pas capable d'assumer ton discours. Tu n'es pas capable d'assumer ton discours. Non, attends, je parle un peu là. Parce que, tu veux. Donc, la manif pour tous, parce que tu as parlé de ça. Moi, j'étais juste après Deschamps était dopé, ce que tu moques, qui a quand même été vu sur 80 médias différents. J'étais tout seul, hein, excuse-moi, j'étais avec ma femme, mais on était deux. Ça a touché 80 médias différents pour une audience cumulée de 10 millions de personnes. Alors après, c'est facile de moquer. Toujours sélectionneur, hein, et qu'il a même prolongé. C'est l'esprit défaitiste, tu vois, Mike. Et c'est pas la première fois que tu l'as dans ce débat, parce que des gens font des choses, et toi, derrière ton PC tout seul, là, à faire tes communiqués, la gauche m'a tué, eh ben, qu'est-ce que t'as fait, mon gars? Hein? Bon. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. Non, mais c'est une première chose. Quand quelqu'un arrive à faire quelque chose qui touche 10 millions de Français, est-ce que t'as déjà touché 10 millions de Français dans ta vie, Mike? Hein? C'est pas vrai. Donc ne rabaisse pas des victoires, même des petites victoires. On a besoin de petites victoires. Donc il faut avoir l'esprit un peu coubertin et reconnaître quand même un gars qu'on n'apprécie pas trop parce qu'il est protestant réussit des trucs. Moi, le lendemain de ce truc chez Deschamps, j'étais, figure-toi, devant des têtes de réseau catholiques. Hein? Et s'ils m'écoutent, ils pourront pas contredire ça. Et ben, je leur ai dit la manif pour tous, ça a échoué. Pourquoi? Parce que les gars, vous allez pas sur les plateaux télé notamment. Si on est, moi j'ai fait tout seul. Regardez ce que j'ai fait. Si on inonde les plateaux télé de manière intelligente et coordonnée, etc., on va enrayer le système. Je dis pas que c'est ça qui va nous faire. Il faut arrêter de caricaturer aussi ce que je dis. De Gaulle, il a pas fait qu'une annonce sur la BBC et puis il a fait son coup d'État. La guerre, elle a duré 4 ans et nous, ça durera certainement plus longtemps. Mais il faut déjà se positionner sur une ligne politique claire qui rassemble les gens. Il faut qu'on se rassemble. Là, on est tous divisés. Tu dis que tu es dans mon camp, bah très bien. Eh ben, s'il manifeste, pourquoi tu l'as pas signé? Je vais te répondre sur tout. Ah, tu mets en doute mon engagement. Bon, très bien. Mais j'ai co-organisé jour de colère, je sais pas si tu te rappelles, c'est pas allé bien loin, et malgré tout. J'ai été à l'époque, en 2006, à l'époque du CPE, co-fondateur du mouvement Stop la grève. Je pense que certains ici doivent connaître. Cette année, les jeunes ne sont pas mobilisés pour débloquer les facs, des gauchistes qui leur empêchaient d'aller en fac, d'aller faire leurs examens, de passer leur partiel. Mais moi, à l'époque, j'avais 25 ans et on a fait stop la grève et on a fait le tour de France pour aller physiquement, je dis bien physiquement, débloquer les facultés. On a débloqué Toulouse-Mirail, on a débloqué la faculté d'Amiens, à Strasbourg, Tolbiac, à l'époque Tolbiac, là où plus aucun non-gauchiste ne va aujourd'hui. Donc, Mike, moi je te dis bravo, je te dis pas, ah, c'est pas comme ça que tu vas atteindre le pouvoir, je te dis bravo. Donc pourquoi toi tu pourrais pas dire bravo quand des gens font des choses C'est surtout que moi, bravo, moi ce que je voudrais comprendre, parce que Mike, t'as quand même dit quelque chose de très fort, t'as dit, il faut utiliser une forme de violence pour arriver à nos fins. Moi je demande, dans quelle mesure et comment cette violence? Qu'est-ce que c'est? C'est ça que les gens veulent comprendre. C'est quoi cette violence? Faut descendre quoi? Faut s'armer? Faut faire des actions armées? C'est quoi? Restons dans la légalité, s'il te plaît, mais pour comprendre. Tu dois utiliser la violence dans ton engagement politique. Par exemple, lorsque j'ai fait les législatives sur notre circonscription, j'ai par moment utilisé cette violence parce que il fallait tenir le terrain au niveau de l'affichage. Donc j'ai dû utiliser la violence face aux gauchistes ou au type, par exemple, d'Orgemont, un quartier d'Épinay, ou de Soubise, de Saint-Ouen. Donc tu dois utiliser cette violence. Mais la violence, c'est pas forcément sortir avec un AK-47 de chez soi et de tirer sur les gens. C'est pas ça. C'est-à-dire que à un moment donné, pour tenir à un terrain comme l'ont fait par exemple les gens de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est d'être des méchants, quoi, les bad guys du truc. J'ai pris l'exemple de la Manif pour tous. Eh bien, la Manif pour tous, lorsqu'elle descend, si elle avait descendu les Champs-Élysées, elle aurait utilisé de la violence parce qu'elle aurait repoussé physiquement les policiers. Donc, c'est aussi une forme de violence. J'appelle pas à égorger des types, à être l'État islamique, c'est pas ce que je veux dire. Après, on peut aussi, sur la prise de pouvoir, se référer à ce qui a été fait avant. Bon, Jean, tu parles de l'histoire du passé, donc moi, je vais un peu en parler. Mais le coup d'État de Napoléon III pour devenir empereur, bah, c'était un coup d'État violent qui a fait couler un peu de sang, quand même. Le 18 Brumaire, bon, même s'il n'y a pas eu de sang, c'était une forme de violence contre les institutions. On le parle. Très grave de dire ça, à mon avis, et c'est là où il faut qu'on se mette d'accord sur une ligne commune, parce que sinon on arrive à ce genre... Toi, ça signifie que toi, en fait, tu veux faire juste des buzz. Tu cherches à faire du buzz. Moi, je... Ah ouais, non, attends, pourquoi tu m'attaques là? Je suis en train de te répondre sur un point important. C'est, est-ce qu'on est d'accord déjà sur le fait d'être pour la violence ou pas? Parce que pour moi, déjà, je suis chrétien. Alors là, si tu te dis chrétien, c'est un peu étonnant. Mais c'est vrai que les catholiques, souvent, ont été ultra-violents. Hein, donc ça, déjà, première chose. Donc ça, il faudrait quand même vous réfléchissiez déjà à votre histoire vis-à-vis des protestants, notamment. Là, je parle de la France, hein, évidemment, dans d'autres pays, c'est autre chose. Mais en France, il y a quasiment plus de protestants. Hein, il y a beaucoup de catholiques encore, par contre. Donc moi, la violence, si tu veux, c'est la force des faibles pour moi. Pour moi, je suis beaucoup plus Jésus et Sun Tzu que Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que tu prends comme exemple? Attends, mais, attends, laisse-moi parler, je t'ai pas coupé. Oui, laisse-le terminer, Mike. Laisse-le terminer. Attends, c'est important, le sujet est important, donc ça peut te déranger ce que je dis, mais bon, moi je t'ai laissé parler, alors que ça me dérangeait aussi. Donc, je me refuse à prendre comme exemple des sales gauchistes. Pardon, des mecs qui sont même pas présentables, qui utilisent justement la violence. C'est le contre-exemple pour moi. Ça, c'est vraiment la force des faibles. C'est des gens. Tu vas me prendre comme exemple les Black Blocs aussi, pourquoi pas? Non, mais attends, c'est pas sérieux. Ces gens-là sont violents parce qu'ils sont là pour détruire. C'est leur modèle politique. C'est Lénine. C'est organisons le chaos pour qu'il en sorte l'ordre communiste. Hein. Donc ça, c'est le contraire. Nous, on est sur les valeurs opposées à ça. Donc je sais même pas pourquoi tu défends ce genre de choses. En plus, tu n'es pas capable d'assumer cet appel à la violence que tu fais, mine de rien. C'est grave. Moi, j'ai étudié à l'école de guerre économique, Sun Tzu notamment, et puis je l'avais lu avant, mais je l'ai relu depuis, parce que c'est vachement intéressant. La meilleure prise de pouvoir, c'est celle qui se fait sans une goutte de sang, mon gars. Et des fois, il n'y a pas le choix, mais vraiment... Là, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui appelaient à la violence, c'était les communistes, justement. Et c'était eux qui foutaient le bordel, parce que dès qu'ils tuaient des nazis, ce qui est bien, a priori, eh bien, il y avait des représailles de 50 résistants que les nazis chopaient, pour faire l'exemple. Donc, pour un communiste, pour un soldat nazi tué, il y avait 50 résistants qui étaient chopés, qui étaient mis au peloton d'exécution. Donc, cette stratégie-là, moi, je la condamne. Elle est... Comment dire ? Elle est fausse moralement, elle est fausse stratégiquement, elle est fausse sur tous les plans. Donc, on est dans une guerre, mais c'est une guerre de l'information. Et donc, il faut être Sun Tzu, les gars. Faut arrêter de tomber dans tous les pièges. Justement, là, si ceux qui écoutent notre... T'imagines ? Enfin, là, je m'adresse aux plus jeunes d'entre nous, parce qu'il y a des gens qui sont pas encore formés politiquement, comme nous, on l'a été quand on avait 18 ou 20 ans. N'écoutez pas Mike Borowski enfin, ne passez pas à l'acte, s'il vous plaît. N'allez pas ratonner du musulman ou je sais pas quoi, parce que ça peut être interprété de plein de manières, ton discours. Tu te rends pas compte. Mais comme toi aussi, tu peux interpréter. Non. Un politicien, ben tu cherches à embrouiller les gens. Je n'ai pas parlé de ça, j'ai même pris trois exemples concrets. J'ai pris celui du général de Gaulle, qui a fait un coup d'État en 58, de Napoléon III et de Napoléon Ier. Bon, donc, ça a existé, ça a été fait, et on a droit aussi de s'inspirer de ça. Je pense que nous devons nous inspirer. Après, toi, malheureusement, et ça c'est le protestantisme, bon, je vais pas donner une pierre chez toi, qui a voulu que le Christ soit en gros un hippie. Voilà, Johnny Hallyday chantait à l'époque « Jésus-Christ est un hippie ». Mais Jésus-Christ a utilisé à un moment donné la violence. Lorsqu'il est au temple face aux marchands, il a utilisé la violence. Voilà. Donc, il n'a pas dit « Ah oui, mais non, ce que vous faites, c'est très bien ». Admet ça au moins. Donc, si nous, notre camp, on est essentiellement des gens nombreux, mais qui sommes passifs, c'est-à-dire voilà, on est passifs de tout, comme l'a été par exemple la manif pour tous, eh bien nous ne gagnerons rien, parce que le pouvoir s'en fiche, parce qu'il se dit, bon, il manifeste très bien, bravo, mais de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Donc à un moment donné, il faut aller plus loin, il faut franchir cette frontière. Mais ça a été fait, ça a été fait chez nous, et ça a créé l'Empire, ça a créé le Deuxième Empire, ça a créé la Cinquième République. Donc ne dis pas ce que... Parce que là, franchement, c'est des mensonges, hein. Je parle pas de ratonnade, d'aller prendre, je sais pas moi, un rebeu, de lui péter la tronche. C'est pas ça. C'est une violence face aux institutions. Parce qu'à un moment donné, je te le répète, tu as deux choses. Soit tu as l'élection, soit tu as le coup d'État. Tu n'as pas autre moyen de gagner le pouvoir. Attends, je finis. Okay, et ta carte d'information, bravo, c'est très bien. Mais c'est pas parce que tu auras 5-6 chaînes télé ou des sites qui vont être contre Macron, comme ils étaient à l'époque contre Hollande, que celui-ci va dire, bon, bah écoutez, je démissionne et je donne mon pouvoir à ceci. C'est faux. C'est faux. Parce que toi, tu c'est incroyable. Alors, vas-y, réponds, Jean. Alors, vas-y. C'est une caricature, là, c'est pas possible. Pour toi, c'est pas simplement un coup d'État ou élection, c'est coup d'État demain ou jamais, quoi, en gros. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de créer une résistance, de faire monter les gens en compétence, de monter une armée de guerriers de l'information comme j'essaye de la monter dans mon mouvement de paix, parce que ça prend du temps, tout ça. Les gens, ils sont lobotomisés depuis X temps par le marxisme et un peu, en partie, par le catholicisme. Il faut déjà les réarmer. Il faut les réarmer sur leur histoire. Il faut les réarmer spirituellement. Moi, j'ai toute une colonne sur la Bible, figure-toi, avec des débats entre ce que j'ai eu avec un théologien catholique. Voilà. Tout ça, ça arme les gens. Après, Attends. Je te fais rire, bah très bien. Moi, tu me fais rire avec tes appels à la violence. Excuse-moi, c'est pas sérieux. C'est la force des faibles. Donc bon, Johnny Hallyday, il était catholique, hein, il était pas protestant. Il a chanté toute une chanson pour Marie. Alors, il faudrait être renseigné avant de dire n'importe quoi. Ensuite, au lieu de prendre comme exemple les zadistes là ou je sais pas quoi, tu ferais mieux de prendre des gens dans notre camp. Figure-toi, il y en a qui ont fait des choses bien. Il y a Génération Identitaire, c'est pas bien ce qu'ils ont fait par hasard au col de l'échelle là. Est-ce qu'il y avait la violence, Mike? Est-ce qu'il y avait la violence? Dis-moi. Elle aurait pu arriver. Elle aurait pu arriver sur le moment s'il y avait la rébellion des vivants, par exemple. Elle serait arrivée. Elle serait arrivée. Mais quand les générations identitaires vont sur une mosquée, tu vois que on leur a ouvert la porte, on a dit venez, montez, ben, ils ont montré. Ils ont dû montrer les muscles. Ils ont dû montrer les muscles, là. Ça démonte exactement ta stratégie parce qu'ils ont appris de leurs erreurs. C'était une erreur, la mosquée, l'opération sur la mosquée, parce qu'ils sont tous, ils se sont pris des années de prison avec sursis ou je sais pas quoi, ils ont tous été virés de leur job. Alors là, il y a certes des pressions qui sont faites, mais au moins, leur action, elle était beaucoup mieux faite d'un point de vue stratégique. C'était, il y avait pas de violence, justement. Et c'était fait pour ça. Écoute, Espino et les autres de Génération Identitaire. Autre exemple, Riposte Laïque, dont tu dis beaucoup de mal, apparemment, parce qu'il parle que de l'islam. Je suis désolé. C'est la priorité aujourd'hui, donc ils ont raison. Et moi, j'ai dit que je n'étais pas sur le créneau 100% islam de Riposte Laïque, c'est-à-dire que je n'écris pas sur l'islam tous les jours, ça veut dire que j'ai dit du mal. C'est clair, donc merci d'avoir clarifié. Je ne dis pas les ficelles des types là, du RPR et de l'UMP. Quoi. Enfin, t'es connu, c'était pas moi qui y étais au RPR et à l'UMP. Enfin, c'était pas la dure, tu es genre de ficelle. Bon. Laïcs, ils ont lancé une campagne que je soutiens et que j'ai inspirée d'autocollants sur l'islam est pire que le nazisme. Et ça, c'est très bien. Ça rappelle d'ailleurs une campagne qu'il y avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, là aussi, parce qu'il faut un soutien psychologique à tous ces gens, notamment qui sont dans les banlieues. Hein, je crois que tu connais bien le sujet, parce que t'en viens. Il faut du soutien psychologique aux gens qui souffrent aujourd'hui et qui ont pas forcé et qu'on n'a pas forcément les moyens de protéger. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais en France, c'est interdit d'avoir des armes, hein, contrairement aux États-Unis protestantes, voilà, que tu détestes, et en Suisse largement calviniste aussi. Parce que voilà, moi, mon modèle, c'est Calvin, et je sais que vous le détestez chez les catholiques parce que il était en effet très anti-catholique, anti-catholicité. Tu confonds avec Luther, mais c'est pas grave. Calvin était très philosophique, non? Tu ne connais pas Calvin, il était très philosophique. Je t'invite d'ailleurs à lire mieux ses écrits. était le plus antisémite, tu veux qu'on fasse un concours? Ça fait 1500 ans. Pendant 1500 ans, les catholiques ont massacré les juifs, hein. Donc, t'es mal tombé, là. Donc, les protestants sont les plus philosémites aujourd'hui. On va pas faire un concours, mais c'est un fait. Donc, ne dis pas n'importe quoi, Mike, s'il te plaît, hein. Même si Luther était très antisémite, je le reconnais volontiers, les pays luthériens aujourd'hui sont les plus, philosémites, et comme les pays calvinistes. Ouais. Donc, riposte laïque, il faut féliciter leur initiative et il faut les soutenir, il faut les relayer. Est-ce que tu as relayé leur campagne de collage d'autocollants un peu partout en France sur l'islam et pire que le nazisme? Parce qu'il faut, informer nos compatriotes, il faut leur faire prendre conscience qu'on est dans une guerre, là. Apparemment, ça leur suffit pas que des juifs et des non-juifs, prêtres et des non-prêtres, des femmes, des hommes, policiers ou pas, se fassent égorger en pleine rue maintenant. Apparemment, ils comprennent pas, donc il faut les aider à comprendre. Parce que là, il y a urgence. Donc ça, c'est une guerre de l'information, Mike. Et je suis d'accord que c'est pas comme ça qu'on va arriver au pouvoir là demain, mais c'est comme ça qu'on va monter les troupes. Il faut des troupes, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on ait des politiques communes, pas forcément hiérarchiques, mais qu'on se lance des messages dans toute la résistance, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais, il y a que Tepa, Daniel Conversano et Riposte Laïque qui ont parlé de la liberté d'expression du Breivik. Et ben ça, c'est pas normal. Si on est un camp, on doit, même si on s'aime pas trop les uns les autres pour X raisons, parce qu'il y a des égos, machin, on doit mettre tout ça de côté, et aussi bien la gauche Mathieu que tous les autres doivent relayer, il y a un Breivik qui existe, lisez-le pour casser le politiquement correct, parce qu'il est censuré. Okay. Donc il faut qu'on se batte là avec des messages clairs, notamment la défense de la liberté d'expression totale. Ça, c'est vachement important. Oh, t'es un philosophe, t'es devenu un philosophe, bravo. Mais la philosophie, ça ne fait rien gagner. Ton paix, d'ailleurs, ça me fait toujours rire, ton truc paix, là. Et ça démontre qu'en réalité, t'es un politiquement correct, parce que l'action qui est anti-islam dans paix, mais avec deux politiquement corrects qui est, bon, déjà, le mouvement paix et xénophile. C'est-à-dire qu'en gros, tu es le contraire du xénophobe. C'est-à-dire que toi, en gros, du moment que le gars, il est protestant calviniste, protestant luthérien, ce qu'on veut, eh bien, c'est bon, c'est un Français, il peut s'installer ici en France et il est des nôtres. C'est-à-dire que tous les évangéliques congolais, ce sont nos compatriotes et ils peuvent s'installer ici. Ah, moi, ça me fait toujours rire parce que les types de droite, lorsqu'ils transgressent, ils sont obligés pour montrer patte blanche, justement, aux institutions, aux médias et aux autres, dire « Ah non, mais attendez, je suis pas totalement… oui, peut-être que je suis anti-islam, c'est vrai, mais je suis un antiraciste. D'ailleurs, lisez mon livre « Antiracisme de droite ». Mais malheureusement, l'antiracisme, qu'il soit de droite ou de gauche… L'antiracisme. Le livre. Mike, tu l'as applaudi. Les gens doivent savoir. Quand il est sorti, tu l'as applaudi. Tu m'as dit, ah, bah voilà, enfin. Preuve. Ou alors tu as changé. Comment? Je dis, bravo, c'est super. C'est pas très bien de mentir là, Mike, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est évident dans ma mémoire. Je m'en rappelle comme hier. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant ce que dit Mike. Sur le mouvement. Parce qu'il a rien compris. Alors, sur le mouvement. Non, mais il a rien compris. Toi, tu justement, dis... mais c'est pas que le mouvement paix. C'est que il a rien compris, Mike. Il me dit que je suis philosophe. Il a rien compris. Moi, je suis un guerrier dans l'âme, ok? Je suis passé à la télé, je les ai tous mis en slip. Comme je suis en train de le mettre en slip, d'ailleurs. Mais il s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte. Il s'en rendra peut-être compte dans 10 ans, je sais pas. Donc, xénophile, ok? On reprend le mot de Renaud Camus. Alors, Renaud Camus, c'est sûr que c'est un gauchiste fini, hein? Hein, Mike? Donc, on reprend un tweet. T'as même pas eu la curiosité de cliquer sur qui sommes-nous pour voir qu'on reprenait un tweet de Renaud Camus qui dit « Moi, je suis xénophile ». Alors, tu vas accuser Renaud Camus d'être pour que les protestants, maintenant, d'où qu'ils viennent, du Congo ou d'ailleurs. Il n'y a pas de calvinistes au Congo, hein, je te précise. Les évangéliques ne sont pas protestants. Hein, ce sont des évangéliques. Bref. Donc, Renaud Camus dit « J'aime les étrangers à l'étranger ». Ok. Si les étrangers sont partout, il n'y a plus d'étrangers. Ça, si tu avais lu son livre du sens, tu le saurais. Donc, je t'invite à le lire, déjà. Ensuite, on dit xénophile, parce qu'on l'est, déjà. C'est vrai qu'on n'est pas xénophobe. Ah, désolé. C'est vraiment un drame. Toi, tu es xénophobe, alors? Tu sais, Lévi-Strauss disait, toi, un peu de xénophobie, car ça permet de s'aimer un peu soi-même. Parce qu'il faut s'aimer soi-même face aux autres. Tu sais, les politiques antiracistes, fait, hein, c'était pas pour trop lancer. J'étais en train d'expliquer là ce que tu m'as. C'est... Donc tu te dis un peu xénophobe, c'est ça, si je comprends bien? On l'a tous en soi, au fond de soi. Ok. Donc moi, je me dis pas xénophobe, désolé. Xénophobe, ça veut dire juger l'autre sur la base de sa race, qu'il n'a pas choisi, qu'il ne peut pas changer. C'est faux. Bon. Pas ça, la xénophobie, alors. Française, à ton bon vouloir. Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, comment reconnaître un étranger si ce n'est par le critère racial? C'est vrai, c'est intéressant. Je reviens juste sur la stratégie de l'information, parce que Mike ne l'a pas compris, je lui en veux pas. Mais quand même, à son âge... Oui, personne, c'est ça. Tu généralises un peu ton cas, là. Donc, la stratégie de l'information, c'est quand le gauchiste ou quand l'ennemi t'attaque, tu le désarmes, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Le mec, ah, sale raciste, fasciste, nazi, tu lui dis, ah bon? Eh ben, je suis xénophile, moi et vous. Et en fait, tu lui démontres que c'est lui le raciste, justement. Comme je l'ai fait sur un plateau télé, ma seule émission en direct, j'avais en face de moi la crème, hein, Rokhaya Diallo, Eric Fassin, tous ces cons-là. Eh ben, ils ont rien pu dire. Il faut voir cette émission. C'est pas pour me glorifier, mais c'était ma première télé nationale, eh ben, ils n'ont pas su m'attaquer. Ils ne peuvent pas. Donc, il y a une stratégie de l'information qui est gagnante aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le politiquement correct. Qu'est-ce que tu racontes? Éditer Breivik, c'est politiquement correct, Mike? Tu me fais penser. Je m'as tué, et après, on en reparle. Publier la criminalité du lobby LGBTQ, c'est politiquement correct, Mike. Tu fais rire dans les chemins. Au chevalier noir dans les Monty Python. Tu vois le film? Voilà, tu fais penser à lui, c'est-à-dire que le chevalier noir se bat contre, je crois, Arthur dans les Monty Python. Un brin, il dit non, c'est pas grave, je peux continuer à me battre. Arthur lui coupe un deuxième bras, il dit non, c'est bon, je peux continuer à me battre. Il lui coupe les deux jambes, et le chevalier noir dit ouais, non, c'est bon, on a fait match nul. Et toi, ça, c'est un peu ça, toi. Toi, tu crois que, voilà, tu as, la vérité, tu penses que de toute façon que tu mets en slip tout le monde, t'as mis tout le monde en slip, hein. Seulement, à l'époque de contre-attaque, on n'était plus d'accord avec ta stratégie parce que tu étais le président, moi j'étais le porte-parole. Il y avait des gens du bureau politique qui n'étaient pas d'accord avec ta stratégie et on t'a envoyé plusieurs mails et toi tu as démissionné parce que voilà, plusieurs mails ont permis ta démission. Donc, permets-moi, malgré tout, de douter de ta stratégie. Qu'est-ce que ça démontre? T'es pas d'accord, bah, on le voit bien aujourd'hui. Toi, tu appelles à la violence, mon ami, hein, pas moi. Donc moi, j'appelle à la victoire, ce qui est différent. Et je pense aujourd'hui. C'est comme les hippies, t'appelles à l'amour dans la paix. Tu fais des après l'attentat, tu fais des cœurs avec tes doigts. T'es Charlie, t'es Bruxelles, t'es Bataclan. Oh, c'est caricatural un peu, Mike. C'est pas quand même comme ça. Elle n'a pas de caricatural. Bon, si on peut revenir au sujet. Si on peut revenir au sujet, moi, la stratégie à paix, je l'ai dit à Daniel, parce que je viens de débattre avec Daniel Conversano, moi, je lui ai dit, voilà, on est aujourd'hui, toi, tu te dis xénophobe, moi, je me dis xénophile. Bon, eh ben, je pense qu'on peut quand même travailler ensemble. J'ai cité Lévi-Strauss qui disait, on doit avoir un peu de xénophobie en soi, mais bon, évidemment, tu utilises encore une ficelle en disant, je me dis xénophobe. Bon, très bien, pourquoi pas? Parler de toi là, Mike, ne ramène pas tout à ton petit nombril. J'ai dit que j'avais fait un débat avec Daniel Conversano, d'accord, dans lequel bah, lui il se dit xénophobe, n'est-ce pas? Tu vas pas dire le contraire. Et moi je me dis xénophile. Mais malgré cela, on peut travailler ensemble sur certains points. Évidemment, je lui ai pas fait signer mon manifeste parce que c'est un manifeste où on dénonce l'antisémitisme. Bah, lui il est pour, donc je vais pas le faire signer. Par contre, sur le Breivik, il est un des seuls aujourd'hui, avec Topa et quelques autres, à défendre la liberté d'expression du Breivik. Donc là, on peut se retrouver sur certains point. C'est une guerre de l'information, mais c'est aussi une guérilla. Il y a différents fronts. On doit avancer sur la liberté d'expression, on doit avancer sur l'occupation des médias, parce que ce que tu moques en disant « Ah, aller sur un plateau télé, ça sert à rien, blablabla », c'est peut-être parce que t'en as pas le courage, mon ami. Et une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Contre-Attaque, c'est que personne ne voulait mouiller la chemise. Alors c'est facile de parler des choses, de mouiller le maillot en parole, mais dans les faits, OK, mais il y en a pas un qui voulait y aller sur les plateaux télé. Alors c'est facile de dire oh, je vois pas à quoi ça sert, mais après quand on voit les résultats de ce que j'ai fait moi par 3 reprises, eh ben on commence à comprendre un peu et puis ça permet de monter là aussi en compétence, de monter une stratégie pour aller sur un plateau télé, pour s'inscrire, enfin j'ai expliqué ça déjà chez Topa donc je vais pas reprendre tout le truc. Aller sur paix sur mon mouvement, vous avez une vidéo où j'explique ça pendant 1 heure. J'explique à quoi ça sert. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, ayez au moins, soyez pas comme c'est, Mike en disant c'est drôle, mais t'as voulu la remigration? T'as voulu parler de remigration? On n'a même pas parlé de 3 minutes de rémigration. Moi, je croyais que tu étais. Est-ce que tu es pour ou contre la rémigration? Oui, bien entendu. Mais il y a aussi des méthodes. Il faut utiliser des méthodes pour la rémigration. Ce n'est pas avec la paix, l'amour et la joie que les gens vont partir. Ce n'est pas en disant, comme tu le fais dans tes vidéos, oui, bon, bah, on va vous inviter à quitter dans la bonne humeur le pays. Vous allez partir. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai une question à vous poser à vous deux. Parce que sur le projet rémigration, en gros, il y a la version que j'ai déjà entendu, voilà, vous connaissez la version un peu de l'esquin qui dit bon bah on va foutre tous les étrangers irréguliers dehors, etc. On va chercher les assimilés, etc. Et moi j'ai envie d'ajouter un autre volet que j'entends très peu, qui serait un volet que j'appellerais presque remigration-développement, où on inverserait le flux migratoire en portant des projets de développement là-bas et en faisant participer des gens évidemment d'ici qui partiraient s'installer en fait et qui repartiraient vers leur lieu d'origine, en faisant ce programme avec certaines nations, quoi, qui sont le plus concernées que les autres. Non, mais je peux répondre là-dessus parce que je t'ai entendu développer l'argument chez Daniel, justement, quand tu étais invité chez lui. Ah, d'accord, et tu ok, vas-y. Voilà. Donc, pour moi, c'est le prend pas mal, mais c'est le contraire, en fait, qu'il faut faire, c'est-à-dire que toi, en fait, tu es prêt à financer, c'est-à-dire tout l'argent qu'on aurait donné de toute façon à ces gens-là, tu es prêt à le donner pour qu'ils partent, hein, si j'ai bien compris. Pense qu'il faut... Il faut fermer les vannes, c'est-à-dire il faut couper toute allocation, c'est-à-dire une fois qu'on arrive au pouvoir, évidemment, parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera au pouvoir, mais c'est une fois qu'on est au pouvoir, il faut passer dans un état beaucoup plus libéral, sans que ça soit insultant, parce que en France c'est interdit d'être libéral, hein, comme dit Guillaume Fay. Mais moi je pense que la solution c'est de couper toutes les allocations, en fait toutes les pompes aspirantes, et qu'on récupérera en plus beaucoup d'argent, donc au lieu que ça nous en coûte autant que si les gens étaient restés. Donc en coupant toutes les vannes, le peu de gens qui étaient encore restés là, en touchant des allocs ou autres, partiront, parce qu'ils n'auront aucun intérêt à rester. Voilà. Alors, je vais répondre, moi je ne suis pas d'accord avec toi, cher Tepa, sur la solution de financer, de faire du co-développement, ce fameux co-développement. Pour moi, ça ne sert à rien, parce qu'il faut aussi prendre en compte... la démographie mondiale. En 1960, tu avais 200 millions d'Africains. 1 milliard 200 millions, c'est-à-dire 6 fois plus. Donc, augmenter. Dans 40 ans, 40%, nous serons 10 milliards sur Terre et 40% de l'humanité, ce seront des Africains. Et je ne parle pas des Africains. Hein. Il y a le Moyen-Orient, l'Inde, je sais pas moi, le Bangladesh, enfin, voilà, tous ces coins voilà, d'immigration. Il faut savoir que nous avons tous les ans à peu près 3% de gens qui immigrent. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as 1 milliard 200 millions d'Africains, eh bien tu as 3% par an d'1 milliard 200 millions d'Africains qui immigrent. Donc le co-développement, ça peut faire peut-être partir quelques-uns, mais pas la totalité. Ça c'est pas vrai, ça je n'y crois pas. Ensuite, deuxième chose, je ne crois pas, enfin, évidemment, Jean-Robin a raison, il faut couper toutes les vannes du social. Ça, c'est une évidence, mais pas que pour les étrangers. Moi, je pense que l'assistanat doit être aussi coupé pour globalement tout le monde. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je suis d'accord, Jean, j'ai pas que pour les étrangers. ce n'est pas, enfin, je veux dire, d'accord, très bien, on leur coupe les allocs, tout ce que tu veux, mais couper les allocs à un mec... ça ne le fait pas partir d'un endroit. C'est faux. De toute façon... Il ne fait pas venir. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux aussi. Ce qui fait ne pas venir, c'est remettre en place des frontières solides, mettre sur la Méditerranée, l'Atlantique, mettre des bateaux armés qui empêchent la venue des gens, mettre les frontières terrestres des grilles, j'en sais rien, peut-être comme... comme fait la Hongrie. Mais c'est pas parce que tu dis, écoute, il n'y aura pas d'allocation que le mec ne va pas venir. Parce que le gars qui vient d'Érythrée, il n'a pas d'allocation d'Érythrée aussi. Hein. Et en plus, la dictature. D'accord. Non, mais là, je répondais voilà. À la donc, question ça, de Tepa, évidemment. C'est un peu BA, quoi. C'est un discours BA de croire que, ah oui, non, mais on ne leur donne pas l'allocation. Mais non, mais il répondait à mon interrogation. Moi, c'est la question que je vous ai posée à tous les deux. Donc, c'est... De toute façon, plein de gens ont plein d'idées. Moi, ce que je retiens, c'est que, et ce sera peut-être la conclusion, je ne sais pas où on en est au niveau du temps, mais tu nous dis, te passe. Il reste 10 minutes, je crois, c'était jusqu'à midi. Il reste une dizaine de minutes, 10 minutes. peut-être le temps de conclure. Moi, pas trop. Mais un peu. Sur la remigration, tu n'es pas clair. Tu penses que juste la location fait que les mecs ne viendront pas ou partiront. Mais Mike, arrête de caricaturer. Pas. Moi, je suis pour un État. État libéral, c'est-à-dire limité aux fonctions régaliennes, ok, justice, police, armée. Bon, donc là, je vois pas là-dedans où est-ce que tu peux voir que je serais pour l'immigration de quelque sorte que ce soit. Moi, je suis pour que tous ceux qui se disent musulmans déjà partent. Voilà. Et donc, pour qu'ils partent, déjà, faut commencer. Ils partiront comment? Attends. Non, je n'ai pas d'allocation, je vais partir. Ils partiront comment? Il faut un État. Attends, laisse Jean finir et après tu réponds, Mike. Vas-y, Jean, finis juste. Donc tu dis, tous ceux qui ne sont pas musulmans doivent partir. Alors comment ils vont faire? Comment ça va se passer? Mais justement, j'ai l'impression qu'avec Mike et avec d'autres, dans ce qu'on appelle la dissidence, plus ou moins, c'est que les gens n'ont pas conscience de là où ils sont. Ils sont pas Napoléon III, hein, je suis désolé. Il y a des gens qui se prennent pour des généraux d'armée, là, c'est pas vrai. On n'est pas à cet état-là. Il faut prendre les gens là où ils sont. Quand il y aura des généraux d'armée qui nous rejoindront, là, oui, on pourra commencer à parler de coup d'État ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, moi, je vois pas ça. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont de bonne volonté, généralement, qui peuvent converger sur un projet. C'est pour ça qu'il faut l'expliciter, parce que tout ce qui est implicite, moi, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai fait un manifeste, notamment. Donc, il y a peut-être d'autres initiatives qui sont faites parce que voilà, on l'a traité en réponse à un manifeste de l'oligarchie, mais il y a d'autres. En fait, il faut déjà qu'on soit clair sur le plan idéologique. Bon, première chose. Ensuite, on est tous là un peu dans nos coins à monter. Tu voulais qu'on parle essentiellement de rémigration. Et là, tu t'es vu de subir la rémigration, mais c'est fou. Je veux, d'accord. Toi, tu parles de ce que tu veux. Et je t'en empêche pas, et laisse-moi parler de ce que je veux, parce que tu comprends pas ce que je dis, donc c'est normal que tu vois pas où je veux en venir. Bon. Donc, moi, je monte une armée, d'accord, de gens qui sont des Français, patriotes, qui veulent aider leur pays à leur niveau. Bon. Et ben, ces gens-là, il faut les prendre là où ils sont. Certains sont très compétents dans certains domaines, de la traduction, etc. D'autres plus physiques, ils peuvent aller sur les plateaux télé, ils peuvent perturber des meetings, etc. Allez sur mon site, vous verrez. Mais chacun, là, Tepa, il fait monter des gens en compétences dans son domaine. Daniel, Conversano, on fait monter en compétences aussi. À un moment donné, il faut bien qu'on se rende compte qu'on est ensemble, qu'on le veuille ou non. Et il faut mettre les égos de côté. Donc, au bout d'un moment, il faut voir comment on peut se retrouver ensemble. Et j'appelle de mes voeux à une alliance qui ne serait pas une alliance avec un chef et des hiérarchies. Qui, sur des points précis, nous permettent d'avoir une puissance de feu. Okay ? J'ai donné quelques exemples, donc je ne vais pas les redonner. Il y en a d'autres sur mon site. Il faut que les gens réfléchissent en campagne pour gagner des victoires. Les gens comme Génération Identitaire, c'est admirable ce qu'ils font. Ils ont rien, ils font ça avec des bouts de ficelle. Ils n'ont pas le système, ils sont contre le système. Et ben, c'est génial ce qu'ils font. Il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Il faut qu'eux aussi ne restent pas trop dans leur coin entre eux, parce qu'ils gagneront aucune guerre entre eux. Donc il faut qu'on parle entre nous, ce qu'on est en train de faire là. Et il ne faut pas tout de suite se rabaisser parce que si ou ça, parce qu'on ne comprend pas. Il faut qu'on réfléchisse en termes d'EFR aussi, d'effet final recherché, c'est-à-dire quel est l'objectif qu'on se donne pour une mission. Il ne faut pas mettre de côté un truc parce que ça paraît très petit, ça j'aime pas. Parce que pendant la guerre, moi, mon arrière-grand-père, j'en reviens toujours là, on me moque, mais je suis désolé, c'est un modèle pour moi, mon arrière-grand-père, c'est un héros de la famille. Donc ceux qui me moquent à cause de ça sont généralement pas très famille. Donc bon, il faut qu'ils réfléchissent déjà deux minutes à ce qu'ils font. Donc moi, mon arrière-grand-père, il transmettait des messages pour la résistance dans son pain. Il était boulanger. Il a été déporté pour ça, il en est mort. Donc c'était pas grand-chose, mais ça bougeait quand même les choses, parce que ça permettait de savoir que tel aviateur avait atterri à tel endroit à tel moment. Aujourd'hui, c'est un autre contexte, mais chacun peut jouer un rôle. Il faut juste un peu de coordination, c'est ce que j'essaye d'apporter avec mes modestes moyens, et ce que Tepa essaye d'apporter avec ses modestes moyens, et Daniel et d'autres. Donc il faut qu'il y ait des chefs là qui se réunissent par des réunions plus ou moins privé ou public selon les cas, faut qu'on discute entre nous. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis octobre 2017. Hein, j'ai fait un article sur Riposte Laïque où je cite tout un tas de gens. Ben, ces gens-là, j'arrive pas à les réunir, alors, parce qu'il y a trop d'ego. Et sur le manifeste, il y a plein de gens qui veulent pas le signer aussi, parce que ah ben non, c'est Jean Robin, ou alors il y a un tel qui a signé, je suis pas son copain. Faut qu'on arrête là. On a un ennemi qui est en face, il est puissant. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un minimum, on va se faire bouffer. Et c'est nous aujourd'hui qui avons cette responsabilité. à la violence, je sais pas quoi, eh ben, fais ton truc avec des gens qui appellent à la violence aussi. Mais moi, je me sens pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs, d'appeler à la violence. C'est contre-productif et ça, l'histoire le démontre. Donc, après deux ans de débat, je reste quelque chose. Cher Jean, malgré tout, malgré nos désaccords, mais je remarque une chose, c'est qu'en réalité, tu es juste un gauchiste. Ton délire, c'est bien sûr. Non, mais ça, peace c'est typique. Attends, je peux finir. C'est peace and love, c'est je suis xénophile, je veux pas de général, c'est le commandement à l'horizontale. Mais tout ça, ça s'appelle de l'utopie. Si tu crois que aller crier chez Hanouna ou Morandini liberté va t'apporter le pouvoir, ça s'appelle de l'utopie. On a besoin aujourd'hui d'un projet, on a aujourd'hui besoin d'une prise de pouvoir dans les 10 ans, pas dans 4 ou 5 générations, parce que d'ici là, au vu de la démographie immigrée qu'il y aura, il n'y aura plus de France. Moi, je vais te dire aussi une chose. Toi, tu parles de supprimer les allocs, je ne suis pas fait pour. Mais ce n'est pas assez, je le répète, parce que les pays d'origine qui ont des démographies folles et donc n'arrivent pas à nourrir leur propre population ne reprendront pas ces populations qui vivent en France et qui sont originaires. Est-ce que tu sais au moins comment se passe une expulsion ? Est-ce que tu sais comment se passe une expulsion d'un seul immigré ? Parce que ça, il faut que les gens le sachent aussi. Pour expulser un mec... Et lorsqu'on a, par exemple, l'immigré, enfin, le clandestin en centre de rétention, on ne peut pas le garder plus de 7 jours. Et on doit avoir la décision du juge qui doit permettre de virer ce mec. Mais malheureusement, la décision du juge, elle n'arrive pas avant 3 mois. Donc, lorsque la décision n'arrive pas, au bout de 7 jours, eh bien, il faut libérer ce monsieur qui, bien sûr, bien entendu, sera après introuvable. Et aussi, lorsque tu... mais imaginons que tout se passe bien et qu'on a la décision du juge. Il faut amener après le clandestin dans l'avion, dans le charter, il faut l'expulser. Mais le pilote peut refuser son expulsion et donc du coup, après, on doit le relâcher. Les passagers, comme ça arrive tous les jours, peuvent se sentir solidaires de ce type expulsé et peuvent... dire voilà, nous ne voulons pas l'expulsion. Donc, après, évidemment, le pilote, lui, il dit bon, écoutez, moi, je ne l'expulse pas. C'est tout ça, c'est un carcan administratif. C'est un carcan de ce fameux état de droit dont je suis sûr, tu dois bénir et chérir. Tu vois, l'état de droit, c'est peut-être la loi et le droit, c'est peut-être le summum de la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où on doit sortir de l'état de droit, on doit sortir de la République. On doit sortir de ces principes soi-disant humanistes que tu adores. Parce que sinon, ce pays n'en sortira pas. Ce pays mourra parce que la démographie aujourd'hui étrangère sur le sol de France, elle n'est pas en notre faveur. Elle est en faveur de l'étranger. Voilà. Mais ça, tu ne veux pas le voir parce que toi, tu es avec tes petits principes. Tu dis non, mais moi, je suis un gentil, je suis good guy, je fais des cœurs avec mes doigts, je suis Charlie. Et donc, c'est comme ça qu'on va expulser les gens. Mais ça, c'est une utopie. Donc, Mike Borowski, en fait, a une apparence virile, mais dans les faits, il n'y a rien. C'est ça, c'est facile de dire, là, moi, je suis pour la violence, etc. Mais concrètement, on n'a toujours pas compris ce que tu as fait. Pour la prouver, je t'ai annoncé ce que j'ai fait dans les facultés, ce que j'ai fait comme militant. Moi, je me suis présenté à des élections, hein, et je ne me suis pas présenté dans l'Ouest parisien. Je suis allé dans la même circonscription que PEPA. Peut témoigner sur ce qu'est la circonscription. Tu sais, lorsque l'on se bat physiquement contre des gauchistes, qu'on peut aussi qu'on crée un rapport de force contre les dealers maghrébins qui sont sur la circonscription, eh bien, moi, je vais te dire une chose, ça te forge quelqu'un. Et donc, moi, mais tu le fais très bien. C'est pour moi de parler. Hein, donc, ok. Parlez, je peux en placer. Alors, vas-y Jean, réponds. Donc moi aussi, je peux avoir un discours viril. Ouais, il faut envoyer l'armée dans les banlieues, il faut passer truc au Karcher. Ça, c'est Sarkozy. Hein. Bon. Et puis on a vu ce qu'il a fait. Et t'as milité pour lui. Donc ok, on a compris ça. Ça ne marche pas parce que effectivement, on est. Attends, Mike. On est dans un système qui est corrompu. Donc il faut créer un rapport de force pour le renverser, ce système. Et on va pas le faire tout seul. Donc c'est pour ça que moi j'appelle à qu'on se rassemble. Moi, j'ai tendu la main à Mike Borowski. J'espère qu'on le reconnaîtra. Donc, j'ai tendu la main à plusieurs reprises. Je lui ai dit, parle sur ton site du Breivik, parle sur ton site du LGBT. Tu m'as jamais parlé. Ça c'est faux. Hein. Tu l'as jamais dit. Est-ce que tu m'as envoyé un message, un mail ou quelque chose, parle du Breivik. Là, dans le débat qu'on a eu, je te tends la main à de multiples reprises. Là, toi, tu ne cesses de dire Jean-Robin n'est pas sérieux, Jean-Robin ci, Jean-Robin ça. Tu ne me proposes rien de concret. Moi, je te propose de signer le manifeste. Je te propose de relayer Breivik LGBT. Je te propose qu'on fasse des réunions avec les têtes de réseau. Tu vois, je suis assez sympa de te considérer comme une tête de réseau. Mais bon, si tu continues d'appeler à la violence comme ça, ça va pas le faire, Mike. Moi, j'appelle pas à la violence, justement, parce que c'est la stratégie de la défaite. Pour moi, c'est la meilleure manière de perdre et de perdre royalement, tu vois, parce que Sun Tzu, il faut que tu lises Sun Tzu, hein. La meilleure des batailles, c'est celle qu'on gagne sans l'avoir menée, sans avoir versé une goutte de sang. Plus intelligent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout en restant dans le cadre légal, et je sais bien que ce cadre légal aujourd'hui empêche la réémigration, tu me prends pour qui ? Mais justement, c'est bien pour ça qu'il faut le renverser, hein. C'est pas la réémigration qui va nous permettre d'arriver... Comment tu renverses ? Dis-moi concrètement, au bout de 2 heures, tu m'as toujours pas dit comment on renverse ? Ah, je ne fais que ça, mais... C'est peut-être une connerie le coup d'État, très bien, mais toi, tu m'as à quel moment dit, je renverse ça, je prends le pouvoir comme ça ? Jamais ! Tu ne l'as jamais dit. Et les gens peuvent être témoins. Tu ne l'as jamais dit. Dis-nous, voilà, je prends le pouvoir comme ça. Je suis en train d'essayer de rassembler des gens qui s'appellent les Français. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Hein, la résistance, elle se fait pas ex nihilo. Il faut des Français. Ton coup d'État, c'est pas un mec tout seul dans son coin qui va le faire. Donc ça, tu sais même pas dire qui le ferait, ce coup d'État, ni comment. Donc j'essaie de dire, il faut qu'on se rassemble, les gars. Arrêtez les conflits d'égo. Il faut qu'on soit aussi sur une ligne minimum, voilà, de désigner le même ennemi. Hein, c'est ça la ligne minimum. Et de dire qu'on n'est plus en démocratie, donc ça sert à rien d'aller aux élections. Une fois qu'on a ça, c'est quand même énorme déjà là, par rapport à là où on est aujourd'hui. Ensuite, on dit ok, qui peut faire quoi là où il est ? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait en 40 ? Ils ont fait notamment un gouvernement provisoire et ils ont commencé à parler avec d'autres gouvernements. Okay, parce que justement, l'intelligence de De Gaulle, c'était pas de rester dans son coin, il est déjà allé en Angleterre. Alors, ça lui a été assez reproché, notamment par des collabos qui disaient « Ah, traître », etc. Donc, lui, il s'est rapproché de Churchill, ensuite de Roosevelt et d'autres, et comme ça, il a pu défendre les intérêts de la France. Et il a créé le CNR, qui n'était pas parfait, mais enfin, au bout d'un moment, il fallait bien que ça se traduise politiquement. Et ça, moi, c'est ça que j'essaye de refaire. Ça a marché. Pourquoi est-ce qu'on veut essayer de réinventer la roue ? On me dit, j'ai pas de stratégie. Je veux faire ce qui a libéré la France en 44, les amis. Hein. Allô ? Donc moi, je le rappelle pour la seconde fois. C'est l'écroulement, c'est la défaite, pardon, de l'Allemagne nazie par les armées de l'Est et alliées qui a permis au général de Gaulle de prendre le pouvoir. Les gouvernants de la 5e République ne sont en guerre contre aucune armée. En guerre contre aucune armée. Donc, je le répète. Et donc. L'islam, il n'est pas en guerre contre eux, par hasard. Et Beltrame, toi, tu as beaucoup d'estime, apparemment, pour Arnaud Beltrame. Hein. Beltrame, il ne s'est pas fait égorger, par hasard ? Jusqu'à preuve du contraire. Je peux finir. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, l'État veut se débarrasser il le fait en 10 minutes. Je veux dire, l'islam, les musulmans, ne sont pas, force militaire. Ils ne sont pas une force militaire. Force militaire et des gens, quoi. Ce n'est pas, ils ne viennent pas avec des panzers, ils n'ont pas occuper administrativement encore le pays. Ils n'ont pas voilà, il n'y avait pas eu d'armistice. Voilà, donc ce n'est pas, on n'est pas sur le même cas de figure. Là, on parle d'un régime ennemi. C'est pas la même chose. 40, puisqu'il y a 10 millions d'étrangers chez nous. Il n'y avait que quelques poignées de milliers de nazis en France hein, pendant l'occupation. Ça n'avait rien à voir. Là, il y a 10 millions d'étrangers chez nous. Hein, je ne sais pas si tu es au courant. Il y a des gens qui ont une culture étrangère et tu dis que ce n'est pas la guerre, tu es gonflé. Tu viens de la banlieue. Encore. Il y a des zones de non-droit. Il y a des zones de non-droit où les Kalachnikov et compagnie circulent librement alors que c'est interdit pour les Français. Et c'est la guerre. Je suis désolé, Mike. Problématique des banlieues, de l'immigration, je la connais mieux que toi. Bien entendu. Pas Mike. Toi, tu es, mais bien entendu qu'on est en guerre, et toi, tu es là-bas sur ton île, et tu es là avec ton t-shirt que tu portes du 1er janvier au 31 décembre, et tu nous fais la leçon, et tu fais la leçon par exemple sur Beltrame. Alors, moi, je dis pas que Beltrame, c'est un héros, j'ai jamais dit ça, hein, mais. Peut-être, on peut imaginer que il a pas voulu sacrifier, mais seulement il avait, il s'était entraîné sur quelque chose. Peut-être que il voulait désarmer le terroriste. Moi, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Toi, évidemment, toi, dans ta tête, il faut forcément que tu crois que le gars s'est sacrifié. Mais tu sais, Jean, je connais ta façon de parler, je connais ta psyché. Je sais que toi, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Sur quoi les gens sont globalement d'accord, et puis tu dis bon, écoutez, moi je vais mettre ma 13, et ben moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, t'es toujours en fait, toi ton objectif c'est d'être dans la contradiction permanente parce que tu penses qu'ainsi tu feras de buzz. En fait, t'es une sorte de professionnel du buzz. Voilà, c'est tout. Manifeste. C'était le cas. Rien compris au buzz, alors. C'est pas ça le buzz, Mike. C'est pas dire exactement le contraire de tout ce que pensent les gens. Et Guillaume Fay, qui est exactement sur ma position sur Beltrame, il a juste vu les choses justes. Hein, et ça n'a rien à voir avec le buzz. Tu mélanges tout. T'as raison, peut-être. Moi, je ne dis pas, j'ai jamais dit que Beltrame est un héros. J'ai jamais dit que Beltrame est un héros. Je lui ai dit juste, peut-être a-t-il tenté quelque chose et qui n'a pas marché. Je sais pas. Voilà, c'est tout. Il s'est suicidé. Il n'avait rien à voir. Non. Enfin, oui, on s'est interrogé nous aussi, figure-toi, et on est arrivé à une conclusion que Beltrame s'est donné à l'ennemi, il lui a offert sur un plateau d'argent un haut gradé de l'armée française. C'est un échec patent, et c'est le contraire de l'héroïsme, hein, je suis désolé. Donc ça, c'est déjà, voilà, nous on mène des campagnes de guerre de l'information là-dessus, parce que là, l'oligarchie est en train d'en faire un nouveau Horst-Wessel, si tu connais l'exemple nazi. Hein. Donc là, il y a des rues partout maintenant, Arnaud Beltrame, il y a des casernes Arnaud Beltrame, tout ça, c'est l'esprit défaitiste que l'oligarchie, justement, essaye de diffuser. Et donc nous, notre premier rôle, en tant que résistant, c'est de diffuser la contre-propagande. Hein, c'est vachement important, tu minimises la guerre de l'information, elle est centrale, elle l'était en 40, elle l'est aujourd'hui. Moi-même, j'écris contre l'oligarchie. Attends, mais toi, de toute façon, tu n'es jamais attaqué, de toute façon. Moi, je suis attaqué tous les jours par l'oligarchie. J'ai le décodex sur moi, j'ai Libération, j'ai 20 minutes, tu tapes la gauche, tu es avec Mike Borowski, et tu verras, j'ai Facebook qui a tenté à l'époque de me censurer. Et eh ben j'ai envoyé Facebook au tribunal et ils m'ont rendu la page ma page Facebook. J'ai à cause de Libération et du Monde perdu mes annonceurs. Bon, j'en ai retrouvé d'autres, mais voilà, moi je prends aussi des risques, hein, ne crois pas, hein, je suis pas là, je suis pas un illuminé des trucs. Et je vais te dire une chose, si l'oligarchie si toi ça s'appelle l'oligarchie, c'est-à-dire les grands médias m'attaquent, moi c'est peut-être parce que j'ai un discours qui est intelligible, intelligent, et peut-être qui fait peur, parce que sinon l'oligarchie, il s'en foutrait de ma gueule, hein, il dirait pas. Parce que moi, je t'invite à écrire Mike Borowski sur Google, à taper La gauche m'a tué sur Google, et tu verras le nombre d'articles que le décodex essaye de supprimer, de censurer. Ouais. C'est là où je parle d'ego, tu vois, on n'est pas là pour s'attribuer des médailles, là, c'est pas d'ego, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Lorsque tu écris des conneries, l'oligarchie se fout de toi, elle s'en fout. Mais lorsque tu écris des choses intelligibles et des choses qui leur fait peur, eh bien, ils essaient de démonter ce discours. Et je te donne l'exemple du décodex et de tout le reste. Voilà. Et je subis ça tous les jours. J'ai tous les jours des articles écrits par le décodex pour ne pas dire voilà que je suis un menteur. D'ailleurs, je t'invite à y aller. Mais tu sais, je suis allé, Mike, mais c'est un discours, si tu veux, qui a ses limites, parce qu'un Daniel Conversano, un Hervé Ryssen ou un Alain Soral même vont te dire bah ouais, mais toi, tu n'as jamais été attaqué en justice hein, par la LICRA, donc tu vois rien. J'étais mis en examen en juillet. C'est pas ça qui compte, Mike. Mais oui, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les victoires qu'on gagne. Et si tu en gagnes, tant mieux. Parce qu'on est dans est-ce qu'on est dans le même camp, Mike? Théoriquement, je te rejoins sur certains points, c'est évident. On a quand même bossé ensemble. Mais je sais que je te connais. Tu n'es pas un travailleur, tu ne travailles pas. Les réunions que l'on faisait, c'est pas toi qui les organisais. Les communiqués de presse, c'est pas toi qui les écrivais. Voilà, tu ne bosses pas. Ça, c'est fatigant. Plus... Ouais, là, vous réglez vos comptes un petit peu. Là, c'est un peu... Non, mais... là on sort ça du débat. Ça fait un peu règlement de compte, là, quand même. Là c'est... Écoute, à un moment donné, pourquoi est-ce que le bureau politique n'a plus voulu toi de contre-attaque? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que des gens n'ont plus voulu de toi? Pose-toi la question, et je n'étais pas seul. Et pourquoi tu as démissionné des contre-attaques? Pourquoi? Pourquoi tu veux les attaques personnelles? Pourquoi pas le vécu, ça ou quoi? Là, on dérive. Chose, ouais. On avait dit pas d'attaques personnelles, en plus. Ah, on avait dit de ne pas aller sur ce terrain-là. Non, pas se tromper. Essayons de pas aller sur ce terrain-là, restons sur le plan des idées, parce que là, ça va tourner au règlement de compte, quoi. Ça sera un peu dommage. Parce que j'aimerais, Jean-Robin. Borowski qui vont savoir qui est Jean-Robin. Moi, je les invite plutôt à regarder mes vidéos pour savoir qui est Jean-Robin, figure-toi. Donc, et oui, et aller sur mon mouvement paix, et à lire les livres que j'édite sur ma maison d'édition Tatami qui existe depuis 12 ans. Donc, moi, ce que je retiens, parce que j'ai tendu la main à Mike Borowski qui me calomnie, comme vous venez de le voir, souvent, et par ses copains interposés, n'est-ce pas, j'ai accepté le débat avec Mike Borowski, j'ai pas fait comme Henri de Lesquin ou Papacito à qui moi j'ai proposé le débat et qui m'envoyait paître, parce que soi-disant j'étais critique avec eux, moi j'accepte la critique, mais à condition qu'on fasse du chemin ensemble, sinon ça sert à rien. Moi j'ai accepté ce débat pour voir quelles étaient effectivement nos différences, parce que j'ai pas suivi, j'avoue, tout ce qu'a fait Mike Borowski depuis que on s'est séparé de contre-attaque. Donc, il faut apprendre à pardonner les autres si on se rend compte qu'on est dans le même camp. J'ai un certain nombre d'informations avec ce débat. Après, il y a les actes. Est-ce qu'il va signer mon manifeste? Oui ou non? Ça sera facile. Est-ce qu'il va défendre le Breivik et la criminalité du lobby LGBT sur son site? Oui ou non? À partir de ces trois faits-là, déjà, j'en saurai un peu plus sur le fait de savoir si on est dans le même camp ou pas. Bon. Et puis lui, s'il veut que je fasse des trucs pour lui qui vont dans son sens, qu'il me le demande. Et puis il verra bien si je l'ai fait ou pas. Bon. C'est avec des choses concrètes comme ça, ça peut paraître petit, mesquin, oui, c'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir. Ça commence comme ça, Mike. Et donc, faut pas rabaisser les gens parce qu'ils essayent de construire des choses. Moi, avec des petits moyens, j'arrive à faire des grands trucs quand même, et toi aussi. Donc arrêtons de nous rabaisser les uns les autres. Là, c'est l'oligarchie qui doit rigoler, tu vois, en nous écoutant, et puis les musulmans en même temps, ceux qui veulent conquérir la France. Franchement, on est entre Français, donc ok, on s'est dit nos quatre vérités. Au bout d'un moment, on fait acte de nos différences. Voilà, t'es catholique, je suis protestant, ok, bah très bien, gardons nos différences. Même cultivons-les, pourquoi pas. Mais essayons de gagner des victoires contre l'ennemi et d'être un peu plus intelligent que lui pour le virer. Voilà, moi c'est tout ce que j'appelle, et c'est pour ça que je fais des manifestes où j'invite d'ailleurs beaucoup de catholiques ont signé le manifeste. Donc j'invite les catholiques, évidemment. Moi je suis protestant, mais je vais pas limiter aux protestants, ça ferait pas beaucoup de signataires en France. Donc voilà, la liberté d'expression, elle nous est importante à tous dans notre camp, parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qu'on a cités là, voilà, l'oligarchie et les musulmans, que ça dérange, et ben voilà, au moins on peut se retrouver là-dessus, même avec Conversano, si lui il se dit xénophobe et moi xénophile, et ben peu importe, l'important c'est qu'on gagne des victoires ensemble, et c'est comme l'armée, si tu veux, quand on gagne des victoires ensemble, que ce soit à l'armée ou dans la guerre de l'information, et ben on apprend à mieux se connaître, parce que voilà, on vient d'univers différents, moi je suis, comme tu dis, sur une île à l'autre bout de la terre, mais figure-toi, c'est la France libre ici, hein, donc tu peux railler tout ça, comme tu railles De Gaulle qui était parti certainement à Londres, mais ici, il n'y a pas d'islam, hein, donc et puis c'est Dieu qui m'y a envoyé ici, alors ça je sais que t'aimes pas, parce que t'y crois pas. Alors, Jean, il y a une question justement, tiens, je prends une question sur le chat. Alors, c'est Jonathan Sturel, je ne sais pas si c'est le vrai. C'est un des copains justement, et c'est un de mes auteurs, donc là c'est encore plus. C'est un des copains de Mike Borowski qui me traîne dans la boue, Hein, du matin au soir, apparemment, ces gens-là n'ont rien d'autre à faire. Ils pensent que je suis l'ennemi de la France, alors. Il pose une question intelligente. Il arrive encore aujourd'hui à nous suivre et à venir me faire chier. Non, et moi, Jonathan Sturel est mon auteur. Déjà, il y a un minimum de respect parce que j'ai accepté son livre alors qu'il était catholique. Alors, je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il veut que je n'édite plus de catholiques ? S'il veut que je n'édite plus de catholiques, eh ben, qu'il continue à me cracher dessus parce que ça me donnera l'image des catholiques qu'il m'en donne. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à répondre à Jonathan Sturel. Il pose une question intéressante. Jean, il dit, toi, tu t'en prends quand même aux autres nations, aux autres patriotes, et il se dit, pourquoi les gens vont te suivre si tu t'en prends à eux? Désolé, je la question je vais pas lui faire en refusant de parler aux ennemis, alors ça veut dire que toi, tu restes contre gens que tu apprécies, qui sont dans traîne dans la boue. C'est comme ton copain de culture de droite qui m'a calomnié dans une vidéo et qui ne s'est même pas excusé pour avoir fait courir des ragots comme quoi j'avais escroqué je sais pas qui pour venir en Polynésie. J'étais parti avec la caisse. C'est honteux. Vous dites catholique et chrétien. La moindre des choses, quand vous n'avez aucune preuve, et là je t'inclus avec eux parce que tu m'as proposé d'aller débattre chez ce mec en plus, je suis désolé, c'est honteux. La moindre des choses, c'est de s'excuser quand on fait courir des rumeurs dégueulasses, infondées, et qui mériteraient un procès, mais heureusement que je ne suis pas procédurier hein, pour vous, parce que sinon j'irais directement au procès et je gagnerais et vous auriez votre nez dans votre caca, là, ton copain culture de droite. C'est des gens qui te calomnient du matin au soir, et après il faudrait écouter leurs questions, et ben non, ça ne marche pas comme ça la vie. Accepter la calomnie, c'est ça le jeu politique. Accepter la calomnie, ça te regarde, mon gars. Mais bien sûr que tu parlais d'esprit Coubertin tout à l'heure. Regarde, t'avais proposé un débat de l'Esquin, t'as pas été tendre avec lui spécialement dans les vidéos, donc tu pensais quand même qu'il allait accepter. Donc t'es pas tendre quand même. Jonathan Sturel est mon auteur. De quel droit il se permet de me traîner dans la boue, moi qui l'ai édité? Personne n'en voulait de son livre, ok? Je l'ai édité, comme j'édite la plupart de mes livres, ce sont des livres refusés ailleurs pour de mauvaises raisons. Et alors maintenant que je suis critique avec le catholicisme, parce que je suis devenu protestant, monsieur me traîne dans la boue? Eh ben non, c'est pas chrétien. Jean, c'est bizarre. Je connais pas un mec qui t'a côtoyé avec qui tu ne t'es pas embrouillé. Tu continues la calomnie alors, toi aussi. C'est bien. Tu te roules dans la boue. De quel droit tu peux dire ça? C'est faux. Regarde les signataires du manifeste. Il y a des gens parmi ce manifeste, il y a des gens que je côtoie depuis 10 ans. Donc c'est faux ce que tu as dit et c'est calomnieux. Et tu devrais t'excuser si tu avais un minimum d'esprit chrétien, justement. Puisque tu vas pas t'excuser, voilà. C'est tout ce que tu sais faire. Donc moi, j'accepte gentiment le débat avec toi. Tu vois, ça se tient bien pendant 2 heures. Et puis, au bout de 2 heures, forcément, allez, on commence les attaques personnelles et on commence à se rouler dans la boue parce que c'est tout ce que vous savez faire au final. Là, je parle de toi et tes copains. Donc, je te tends la main gentiment. J'essaye de te faire monter un peu en niveau, c'est-à-dire pas d'attaques personnelles, pas de trucs débiles. Je te tends la main à plusieurs reprises. Eh ben non. Voilà, ça, on peut déjà, pas ça, avec vous apparemment. Donc, déjà, ça suffit. Je ne savais pas que je m'attendais à aller parler. Hein. Moi non plus. Je savais que, pour tout dire, je connaissais pas ton passif. Moi, je savais pas que vous aviez dessus celui-là. Il le fait. Je l'ai édité. C'est quoi ce manque de respect là? Pose-toi la question. Mais non, je me pose pas la question. Je ne veux pas me poser la question parce que tu comprends, si je me pose la question, je me dis tous les catholiques sont comme Jonathan Sturel, tu comprends? Et ça, j'ai pas envie de me le dire parce que ça voudrait dire quoi? Le gars, tu lui tends la main, tu l'édites, je l'ai interviewé, il est venu chez moi, le gars. Hein, je veux pas dire des trucs personnels parce que ce gars-là, je l'ai aidé dans sa vie personnelle. Il ose venir ensuite me cracher dessus publiquement. Je l'ai aidé dans sa vie personnelle, ce gars-là. Et c'est souvent comme ça, justement. C'est les gars qui t'aident le plus dans leur vie personnelle, en plus, qui te crachent. Est-ce qu'on m'entend? Parce que ça a coupé. Oui, on t'entend, Mike. On n'entend plus personne, là. Si, on t'entend. Nous, on t'entend. Tu nous entends? Donc, de toute façon, c'est bon. Là, ça fait. On a dépassé l'horaire. Bah, on a dépassé le temps. Moi, je vous ai laissé. C'est pour vous maintenant. Si c'est aussi. Pour ma part, j'ai conclu. Je refuse de parler avec quelqu'un qui me traîne dans la boue et de répondre à quelques questions qu'il veut. Qu'il présente d'abord ses excuses après tout ce que j'ai fait pour lui. Après, on verra. Mais il le fera jamais parce qu'il a trop d'ego lui aussi. Mike, moi, pour conclure, je t'ai tendu la main. Après, tu es coupé. Je t'ai tendu la main, je continue à te l'attendre. On va voir ce que tu feras concrètement sur ton site avec les 3 points que j'ai cités. si tu veux prendre la main tendue ou pas. Et ensuite, on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble, à condition, et ça c'est la condition sine qua non, que tu abandonnes ton appel à la violence. Sinon, on peut pas travailler ensemble. Moi, je veux bien travailler avec des gens qui sont xénophobes, ok, mais pas des gens qui appellent à la violence, parce que un xénophobe, je veux dire, il appelle pas nécessairement à la violence. Il n'a pas compris que ben, la politique, c'était pas juger les gens sur leur couleur de peau. Mais appeler, enfin comme tu l'as fait, à la violence, je trouve ça irresponsable. Je trouve ça, en plus, c'est certainement condamnable par la loi. Donc moi, tout ce qui sort de la loi, désolé, ça peut paraître politiquement correct, etc. Moi, je suis Sun Tzu, donc voilà, je n'appelle pas à la violence et je condamne les appels à la violence. Et je ne veux pas être lié de près ou de loin à des gens qui appellent à la violence. Je trouve que c'est perdre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, t'es pas, mais voilà. Bah, vas-y, fais ta conclusion, Mike. Oui, moi, je suis pas pour l'appel à la violence. Je l'ai dit. De toute façon, c'est borderline, en plus, on ne peut pas. Mais, Mike, vas-y pour la conclusion. Voilà. De retour. Que les gens ne voient pas que je me suis déconnecté extra. Eh ben voilà, de retour. Bon, on va pouvoir finir la fin, parce qu'effectivement, Jean a pu faire sa conclusion. Il a dû partir. Donc, à toi de faire la tienne. Et puis ensuite, ben voilà, comme ça on laissera. Il y a eu une interruption, bon ben pour ceux qui nous ont entendu, elle sera coupée au montage. Voilà, ce sera spécial pour le direct. Alors vas-y, allons-y mon cher. Voilà, donc je voulais dire quand même en conclusion, 2h15, 2h20 de débat. Nous n'avons toujours pas de solution de Monsieur Jean Robin. Encore une fois, l'arrivée de Jonathan Sturel démontre que voilà, que Jean, en réalité, naît lui-même, alors qu'il explique que, bon, moi, j'ai de l'ego, mais en fait, en réalité, c'est malheureusement mal placé. Parce que, voilà, je le répète, il y a deux façons seulement de prendre un pouvoir, c'est soit par l'élection, soit par le coup d'État. Voilà, il faut pas mentir aux gens, il faut expliquer aux gens l'élection aujourd'hui, c'est râpé. On l'a vu en 2017, jamais un parti qui est hors de parti de gouvernement ne peut gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas possible. Et même si par le grand fait du hasard, celui-ci gagne, il n'a pas les pouvoirs, parce qu'il y a des contre-pouvoirs importants institutionnels, mais aussi européens, qui empêchent toute forme d'action. J'ai parlé de violence. Évidemment, il faut de la violence, et j'ai donné des faits concrets. Des faits historiques ou des faits aujourd'hui beaucoup plus contemporains où Jean, il prend la violence pour aller assassiner des gens. Non, quand je parle de violence, c'est ne pas baisser la tête, ne pas se coucher face à l'État, face à l'administration. C'est déjà une forme de violence, c'est-à-dire de se défendre soi-même, de ne plus être un passif, de ne plus genre montrer l'image du gentil, voilà, good guy, parce que ça, ça ne marche pas. Et la prise de pouvoir, elle ne doit pas être faite dans 40, 50 ans, parce que j'entends ce qu'il veut dire la guerre d'information, et je suis tout à fait d'accord dans le fait que moi-même, je fais de la guerre d'information, je suis sur un site, je fais des vidéos, j'écris des articles qui sont énormément repris, parfois des articles qui sont partagés plusieurs dizaines de milliers de fois. Mais enfin, je m'en enorgueille pas, mais je veux dire, si nous sommes plus nombreux à avoir une musique différente contre le système, évidemment, c'est important. Mais après ça, qu'est-ce qu'on met? Parce que l'objectif, malgré tout, c'est de physiquement prendre le pouvoir. Et on ne peut pas prendre le pouvoir seulement en faisant des associations de 1901 ou des manifestes, enfin, des contre-manifestes comme veut faire Jean. Le problème, c'est que Jean est sur... un logiciel passé, il est visiblement progressiste, il est antiraciste, il est xénophile. En fait, il est tout ce que demande eh bien la bien-pensance, les ceux qui nous gouvernent. Ben moi, je veux sortir de ça, parce que la République, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre jusque dans 1000 ans. Mais si on ne sort pas de la République, si on ne sort pas de ces institutions, mais comment peut-on faire? J'ai expliqué comment on expulse un sans-papier. On ne peut pas l'expulser seulement en lui disant « Monsieur, vous n'aurez pas d'allocation ». Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Il faut à un moment donné, moi je sais d'ailleurs pourquoi Jean n'est pas pour cette violence que je demande, mais violence, encore une fois, contre les institutions, contre l'État, contre les racailles, parce que il n'a pas le cran. Et à un moment donné, Jean doit le dire. Je n'ai pas le cran. Le seul cran que j'ai, c'est d'envoyer des manifestes, d'être là-bas en Polynésie, et de faire des vidéos disant, oui, voilà, rejoignez-moi. Parce que Jean, je le connais, j'ai bossé avec lui. C'est pas un général. C'est même pas un maréchal des logis. Malheureusement. Et moi, je ne veux pas que les gens qui écoutent Discord de TEPAC et qui sont sur TEPATRIOTE, et ils sont nombreux, je ne veux pas qu'ils aient une vision biaisée de la politique et des solutions politiques que nous devons avoir. Parce que le problème, c'est que les gens ne proposent pas de solutions politiques. Si un jeune se dit, voilà, les gauchistes, c'est des dingues, ils sont comme ça, et à droite, c'est Jean Robin, les gens qui s'y vont faire, ils vont soit quitter le pays, ce que je ne veux pas, soit ils vont se dire, on est foutus. Voilà, et on n'est pas foutus, parce que ce pays a connu des occupations, a connu des guerres, a perdu des guerres, et ce pays s'en est toujours sorti. Et je sais qu'à un moment donné, la France s'en sortira parce qu'il y aura un sursaut de ce pays. Et ce que j'amène, évidemment, Jean investit mes propos. Bon. Mais le problème, il vit dans le monde des bisounours. Et malheureusement, les ennemis que l'on a ne sont pas des bisounours. Et ne sont pas prêts de quitter notre terre. Quelques règles de loi. Voilà. Okay. Là, je te remercie, TEPA, de m'avoir invité. Je remercie Jean Débat, malgré tout. Et je serai on fait d'ailleurs un débat le 2 juillet avec Conversano. Avec Daniel Conversano, ouais. C'est annoncé, ouais. Ouais, j'en ferai la promotion demain en plus, ouais. J'en parlerai. Bah écoute, merci à toi, Mike. Merci à Jean encore une fois, il entendra ça dans le replay. Et puis, merci à tous ceux qui ont suivi ce débat très matinal et qui ont été quand même bien nombreux au fur et à mesure, parce que je crois qu'on a commencé à 20, on a fini à plus d'une centaine largement. Bon, bah, pour un débat très, très matinal et improvisé, merci en tout cas. Donc, je vous dis à bientôt pour ceux qui nous suivent. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Merci, salut.